Kim. Igu. Elle est monstrueuse, celle-là. Le but de cette finale. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se coupe. Imagina, premier mot, premier mot. Il songe en Claude France. Bagarre. Où la bataille était le match. La bataille était le match, moi. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue dans Sport and Chill. C'est la saison 4 toujours et l'épisode 7 ce soir. Nous sommes le lundi 22 octobre et je suis assisté de 4 chroniqueurs ce soir. À ma gauche, le beau Polo, hein. Peut-être pas pour moi, mais pour tous les supporters de Liverpool sûrement. Salut Guillaume. Bonsoir. Je connais ton admiration pour Liverpool. Tu peux le dire, Flo. Ouais, c'est pour les clubs mythiques que j'ai une admiration. Toujours à ma gauche, on va pas parler de tennis ce soir, mais il sera quand même là pour parler d'autres sports, notamment de NBA. Bonsoir, Tim. Salut à tous. Il y a du beau programme au niveau des pronostics, hein, sachant qu'il y a des gros matchs de foot cette semaine. Ouais. Cette semaine. On va avoir du flair, les poulets. Hein. À ma droite, un certain Mauro. On va oublier ça rapidement. Oh là là. Supporter du Milan AC, évidemment, Yacine, bonsoir. Bonsoir à tous. La soupe la grimace pour les Milanais. Et un autre maillot qui est parmi nous ce soir, c'est celui de Valladolid, si je ne me trompe pas, qui est bien classé en Liga, si je ne me trompe pas non plus. Sixième du championnat, bien vu. Qui se porte à merveille sur les épaules de Romain. Bonsoir. Exactement, bonsoir à tous. Il y aura pas un maillot de handball d'ailleurs. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Le petit humel, hein. C'est un sponsor. C'est un très bon sport. C'est un maillot un peu à l'ancienne, tu vois. Ouais, c'est les valeurs un peu traditionnelles qui ressortent. Exactement. C'est leur force. Allez, ce soir on va parler de Top 14, de Champions Cup, pardon, excusez-moi. Au niveau du foot, on parlera de Serie A, Ligue 1, NBA, on en a parlé tout à l'heure, de handball, puisque ça fait 2 semaines qu'on voulait en parler, ainsi que d'autres sports qui seront plus sous une forme un peu de bref ce soir, toujours fait par Romain, évidemment. Les résultats montpelliérains, on en parlera tout à l'heure, hein, ça va aussi changer un peu les résultats montpelliérains. Et surtout, ce soir, on a des invités, c'est sur la diététique du sport, et notamment sur ce domaine de la prise de masse, avec des invités en collaboration, évidemment, avec le Krebs. Il y aura Coraline Costas, Romaric Lina, c'est Thomas Ladra tout à l'heure en deuxième partie d'émission vers 19h40 à peu près. Et évidemment, le quiz cette fois-ci préparé par Romain exceptionnellement aujourd'hui. Voilà le programme de ce soir. On passe tout de suite au résultat de la semaine. Sport and Chill, les résultats. Et on va commencer tout de suite avec la Champions Cup, le rugby. Et Yacine, de quoi tu vas nous parler? Il y a eu un gros week-end. Alors je vais parler de résultats plutôt positifs pour les clubs français. Alors se déroulait hier, avant-hier, la deuxième journée de Champions Cup. Donc avec évidemment des victoires surprenantes, plutôt spectaculaires, et des défaites relativement cuisantes, voire carrément cuisantes, pardon, pour les clubs français. Et oui. Alors, on va d'abord commencer par la victoire de Castres face aux champions d'Angleterre 2017, Exeter 29-25. Un exploit d'autant plus que les Castrés étaient menés 14-0 et étaient réduits à 10 après l'expulsion du troisième ligne Veipoulou à la 37e minute. Mais l'essai de Vialel et puis après de Mafi a redistribué les points et a permis une victoire sur le fil et spectaculaire des Castrés qui se replacent dans la course à la qualification. J'en reparlerai après parce que ça sera le point de mon petit débat. Deuxième défaite en 2 matchs pour Toulon. Là pour le coup, ça a été. Ça a pris la forme d'une raclée, 40-14. Donc après la défaite initiale face à Newcastle à Mayol, donc Colazo est dans de beaux draps et Toulon ne se relève pas avec un seul point dans le groupe de Montpellier dont on parlera tout à l'heure. Donc c'est déjà compromis pour Toulon. Défaite du Loup, logique, chez les champions d'Angleterre en titre, les Saracens, également deuxième défaite de Lyon après celle à domicile face à Cardiff. Victoire du Racing, assez large face à l'Ulster, 44-12. Eux aussi étaient menés 12-3, et avant Kimoff, Teddy Thomas, Zebo, Iri Baren, Evans et Sasloré marquent 5 essais. Donc le bonus offensif est pris par le Racing, et le Racing prend le large dans le groupe, avec 9 points, devant Leicester 5 points et l'Ulster 4 points. On reparlera de la performance, de la contre-performance de Montpellier, une défaite 23-20 à Newcastle. Et enfin, l'exploit, c'est celui de Toulouse face aux champions d'Europe en titre, le Leinster. énorme performance, victoire 28-27, après un doublé de Médard, notamment le deuxième essai à la 69e minute, après une sublime remontée terrain de la part de l'équipe. Toulouse prend la tête de la poule avec 8 points, suivent le Leinster 6 points, Basse 4 points et les Wasps 3 points. Donc la question que je voulais vous poser, c'est celle qui portait sur Castres. Castres qui est désormais deuxième derrière le Munster avec 5 points. La double confrontation va bientôt suivre face aux Irlandais. Est-ce que vous pensez que ce genre de performance de Castres, bon pour l'instant c'était juste Exeter hein, qui est dernier de la poule, a vocation peut-être, en tout cas pour l'équipe de Castres, de s'ancrer en Coupe d'Europe et de rééditer ses performances, voire mieux peut-être d'aller loin dans cette compétition? En tout cas, on sait que pour le Castres olympique, la scène européenne est toujours quelque chose de plus difficile. On a une équipe qui est redoutable chaque saison. Lorsque la saison de top 14 arrive aux phases finales, à l'inverse, et peut-être certains disent d'ailleurs que ça peut être un élément d'explication, le Castres olympique a toujours eu du mal à briller, notamment en début de saison sur la scène européenne. Là, il réalise un bon match contre Exeter. C'est sûr que s'il perdait ce match, leur chance de qualification a été fortement compromise, d'autant plus qu'ils jouaient à domicile. À domicile. On est d'accord hein, contre cette équipe d'Exeter. Après, voilà, il y a un épouvantail dans cette poule, je pense. Hein, c'est l'équipe irlandaise, c'est le Munster. Donc la double confrontation vraiment permettra d'en savoir plus sur ce Castres olympique, mais qui peut nourrir des ambitions. Et puis moi, je le souhaite pour cette équipe, parce que justement, ce qui lui manque pour s'affirmer encore plus, même justement en France, c'est de parvenir à réaliser de grosses performances en Europe, avec un minimum, en plus pour un champion en titre, ce qui pour moi serait un quart de finale. Mais voilà, on sait la difficulté qu'il y a à se qualifier au rugby. Il faudra que les éléments tournent en leur faveur lors de cette double confrontation. Et en tout cas, une défaite contre le Munster à domicile est impensable si le Castres olympique veut se qualifier. Moi, j'ai toujours été surpris par ces dernières années, et notamment Castres qui, on peut le dire, ne jouait pas la Coupe d'Europe, surtout que Castres n'a pas non plus un effectif réduit par rapport à d'autres équipes du top 14. Et cette année, je suis agréablement surpris qu'il le joue à fond. Ça peut-être se traduire par le fait que le top 14 n'est pas leur priorité cette année, c'est fort possible. Non, ils peuvent être 6e et être champion. Ouais, après, c'est la question, voilà, c'est est-ce qu'ils ont suffisamment la profondeur de banc pour aller jusqu'au bout dans les deux compétitions. Mais bon, la Coupe d'Europe, ça sera très difficile parce que les deux clubs irlandais sont imbougeables. Enfin, généralement, ils arrivent toujours en demi-finale au minimum. Je pense aussi compter sur le Racing cette année, qui a un effectif 5 étoiles. L'arrivée de Zebo va faire beaucoup de choses. Actuellement, je sais pas, je pense que le Racing est mieux armé que le Castres, personnellement. Ok. Ouais, je pense qu'en tout cas sur le papier, pour terminer là-dessus, Castres c'est sans doute la deuxième équipe de cette poule. Je regrette un petit peu l'impair lors du premier match à Gloucester où ils finissent à 5 points. Mais voilà, ils pouvaient. C'est sûr que s'ils gagnaient contre Gloucester, ils étaient vraiment en très très bonne position. Là, ils ont les cartes en main, mais contre le Munster, il va falloir réaliser un voire deux exploits. Ok, on passe sans plus tarder à un autre sport, ça serait peut-être la NBA qui a repris cette semaine et des matchs importants déjà pour cette première semaine. Oui, des matchs importants cette semaine. Nous avons eu donc le début de saison, je crois que c'était dans la nuit de mardi à mercredi si je me trompe pas, avec des matchs déjà importants à l'ouest et à l'est, avec notamment à l'est je pense des rencontres qui ont opposé les trois meilleures équipes a priori hein, sur le papier de la ligue, sur la conférence est, que sont Boston, Philadelphie et Toronto, et une première hiérarchie, alors il faudra voir sur la durée bien sûr, hein, à s'installer, sachant que Boston a défait lors du premier match de ligue assez logiquement les Sixers de Philadelphie. Mais là, je pense que ce sera déjà le cas de figure de la hiérarchie sur la saison régulière. Je vois un Boston normalement au-dessus de Philadelphie. Oui, a priori, mieux armé, d'ailleurs Embiid les joueurs qui vont revenir de blessure. Qu'on parlait de rivalité entre Boston et Philadelphie, mais lui qui a beaucoup de franc-parler a dit qu'il faudrait encore que Philadelphie gagne un petit peu plus souvent pour que la rivalité soit réelle. Voilà, c'est plus une équipe naissante avec ce trio qui se dégage à Philadelphie, on attend un peu la confirmation. Et puis l'autre équipe dont on souhaitait parler à l'Est dès ce soir, c'est les Toronto Raptors qui, eux, ont souvent du mal en play-off, c'est une valeur sûre. Qui ont fini premier la saison dernière, on le rappelle. Et qui ont battu les Celtics, justement, qui avaient marqué des points lors de la première rencontre contre Philly, 113-101, dans un match aussi abouti avec une équipe au fort potentiel, avec notamment le retour de Kawhi Leonard. Et on rappelle quand même que Toronto avait perdu leur meilleur joueur, DeMar DeRozan, qui était parti aux Spurs cet été. Oui, qui est du côté des Spurs. Voilà, le trade, ils ont récupéré Kawhi Leonard. Pas du tout le même profil de joueur, donc faut voir comment il va s'intégrer dans l'équipe. Ça reste sur le papier le meilleur défenseur de la ligue, je pense, Kawhi Leonard. DeMar DeRozan est plus un joueur pour faire du jeu, donc on va voir comment ça va se goupiller finalement. Exactement, et puis du côté de la conférence Ouest, avant de te poser une petite question, Tim, les résultats importants que j'ai notés, la victoire de Golden State contre Oklahoma 108-100, donc c'était le premier match à l'Ouest. Une victoire d'importance, c'est celle des New Orleans Pelicans, qui est la belle surprise de cette première semaine, enfin surprise, demi-surprise quand même, il y a du fort potentiel dans cette équipe, qui sont allés s'imposer chez les Houston Rockets 131-112 d'ailleurs. Ouais, avec il me semble 24 points d'Anthony Davis qui a été élu homme du match. Anthony Davis effectivement, et aussi Nikola Mirotic qui est excellent dans ce début de saison, notamment à 3 points, auteur déjà je crois de 11 paniers à 3 points en 2 matchs, donc stat très très solide. Très prometteur. Et puis une autre équipe dont je vais dire un mot, bon malheureusement c'est par une défaite, mais ils sont passés très très proches dans un match qui était assez intéressant à suivre, c'est l'équipe d'un Français, le Utah Jazz de Rudy Gobert, qui a été défait face aux Warriors au buzzer sur une claquette 124-123, ça a dû être dur pour les supporters lors de ce match. Pour ce qui est de la hiérarchie, surprenant pour le moment, mais attention, les équipes ont joué 2 ou 3 rencontres. Oui, à l'Ouest, c'est Denver qui est en tête. Prenez en photo l'image. À prendre avec des pincettes ce classement. Devant justement les New Orleans Pelicans et Portland, qui a bien démarré la saison. À l'Est, Détroit est en tête devant. Et Portland qui a battu les Lakers d'ailleurs. Oui, de LeBron. Portland qui a battu les Lakers de LeBron, qui sont à 2 défaites. J'allais y venir justement sur les Lakers pour te poser la petite question. Donc à l'est, donc je dis Détroit en tête devant Milwaukee de Giannis Antetokounmpo et les Toronto Raptors. Et donc justement à l'Ouest, une question sur les outsiders. Et on sait que LeBron James est passé de l'Est à l'Ouest et désormais chez Los Angeles Lakers. 2 défaites inaugurales pour les Lakers, notamment celle que tu signifiais contre Portland. Est-ce que vraiment cette équipe a les moyens de revenir en playoff cette année, ne serait-ce que par la présence de LeBron, ou peut-on avoir aussi un flop de cette saison? Alors bon, il n'y a eu que 2 matchs, mais c'est vrai qu'on sent cette équipe très dépendante, mais tu me diras que Cleveland l'était aussi de LeBron James. Alors c'est sûr qu'il n'a pas la même team que ce qu'il avait à Miami par exemple, où il a pu avoir un Chris Bosh, même un Ray Allen pour l'accompagner, ou un Dwayne Wade. Après malgré tout, LeBron James, malgré le fait qu'il prenne de l'âge, ça reste une machine de guerre, il est physiquement toujours au top, ça reste un joueur clutch par définition, un joueur qui fait la différence dans son équipe, il n'y en a pas un qui est meilleur que lui dans ce domaine là. C'est un joueur qui est aussi capable de transcender ses partenaires. Ah, donc après le début de saison, je pense qu'il faut le prendre avec des pincettes, parce que là il arrive, il l'a dit lui-même en plus cet été, il a pas eu de préparation quasiment avec son équipe, il a pas mal voyagé, pas mal fait de marketing, beaucoup d'interviews, notamment en France, ce qui est assez rare pour le souligner. Donc à mon avis, il va lui falloir un peu de temps pour s'acclimater à sa nouvelle équipe et essayer de jouer avec ses partenaires. Mais malgré tout, s'il garde son niveau, et je vois pas pourquoi il le garderait pas, avec LeBron James, je pense que Los Angeles peut accrocher une 7e, 8e place qualificative pour les playoffs. Après, voilà, même avec LeBron James, je pense que s'ils font demi de conférence, ça sera déjà pas mal. Je les vois pas aller beaucoup plus loin, parce que c'est une équipe qui manque de joueurs vraiment décisifs, et il y a certains postes où il y a des manquements, je pense. Exactement, et donc pour terminer sur, pour moi, mon duo de joueurs de la semaine, c'est les New Orleans Pelicans, qui ont fait 2 très belles victoires pour entamer la ligue, avec donc leurs 2 meneurs actuels en ce début de saison. Anthony Davis, juste pour les stats, 28,5 points de moyenne, 13 rebonds, 7 passes, et Nikola Mirotic, l'Espagnol, 33 points de moyenne, 11 paniers à 3 points déjà en 2 matchs, je le disais, 9,5 rebonds et 2,5 passes. Ah, c'est très propre. Franchise à suivre. Très bien, merci. On va passer à un autre sport de balle, c'est le handball. Le plus grand sport. De balle, d'accord, tu l'as dit. Et du coup, on voulait parler de la Ligue des Champions depuis quelques semaines. On va en parler un tout petit peu avec toi ce soir. Oui, parce que bon, cette semaine, il n'y a pas eu de Lidl Star League. Comme on dit, il y a eu juste la Coupe de la Ligue jargon. Avec Montpellier qui n'a pas encore joué. Donc, Chartres, en effet. On va laisser passer. Oui, la Ligue des Champions, un tout petit point de classement dans les groupes. Barcelone est en tête de la poule de Montpellier, où Montpellier est 7e sans aucun point. Le PSG est premier de sa poule, invaincu. Et Nantes est 4e, il me semble. On va parler du PSG un peu, malgré tout, ça arrive. Est-ce que pour vous, c'est l'année du PSG handball? On sait qu'ils ont pas mal perdu deux ou trois fois de suite un Final Four. Ouais, trois fois de suite. L'année dernière. En 2014, en finale. En finale, voilà. Deux fois. Voilà. Contre Skopje. Contre Skopje et qui le sait. Qui le sait. C'est ça. Voilà, est-ce que ça peut leur faire mal mentalement une fois qu'ils vont arriver en Final Four? Parce que bon, je pense qu'ils devraient y arriver assez facilement. Ou est-ce qu'ils peuvent enfin passer ce cap? Ils ont changé d'entraîneur cette année. Il y aura peut-être plus de turnover. Ils seront favoris pour être champion de France encore une fois, je pense. Mmh. Ils ont un groupe plutôt facile. Ils ont un groupe facile. Ils peuvent même se reposer un peu. Mmh. Donc, on met de la pression. Voilà. On va chiller. La question est-ce, que est-ce qu'on verra le MHB en Final Four? Non, est-ce qu'on verra le PSG, hein? Non, oui, je sais, mais si on les joue en demi, ça peut être compliqué pour eux. Ou même en cas. Oui, après, tout dépendra. Mais normalement, comme tu l'as dit, il est vraisemblable qu'ils seront à Cologne encore une fois cette année, même si il faudrait vraiment qu'un gros de la poule ultra cheatée, comme je l'appelle, finisse 5e ou 6e et qu'il y ait donc un Paris-Barça dès les 8e, ce que je ne pense pas que ça arrivera. Paris-Rhein-Neckar, c'est possible. Oui, après je ne vois pas Paris perdre contre Rhein-Neckar, je verrais plutôt ça face à Veszprém ou face au Barça. Moi encore une fois, je ne les vois pas gagner, je ne sais pas pourquoi ils ont... Je vois encore Veszprém devant, je vois qu'il sait, pour moi avec un effectif moindre que celui de Paris, les battre encore sur une confrontation directe. Je vois même Nantes, encore une fois, en Final Four, qui, en plus de ça, l'an dernier a franchi une catégorie supplémentaire en arrivant en finale face à Montpellier. Je vois encore une fois Nantes potentiellement les battre. Il faudra en plus compter sans Karabatic. Je sais pas pendant combien de temps il sera absent, mais ça va durer au moins 3-4 mois. Ouais, moi j'ai vu 3-4 mois. Ouais. On peut imaginer qu'en plus, arrivé au mois de mai, il ne soit pas à 100% de sa forme, même si Sagosen, semble-t-il, prendra sa place. Là, on sent que c'est un souhait dans ta voix. Ouais. Non, pas du tout, j'essaie d'être objectif. Non, mais moi personnellement, je les vois pas gagner. Après, alors, ils sont dans une poule qui est dite haute. Oui. Ils vont sûrement terminer premier de leur poule, c'est-à-dire qu'ils commencent en quart de finale, donc des matchs normalement, oui. Donc des matchs en moins joués. Et est-ce que c'est pour vous une équipe qui est bonne sur la durée, c'est-à-dire qui va gagner un championnat très facilement, mais qui au moment d'arriver le jour J de la demi et de la finale peut sombrer mentalement? L'histoire a prouvé que oui, au final. Même au championnat de France, où tu parlais tout à l'heure du MHB, mais on n'est pas les seuls chats noirs du PSG. Nantes a joué ce rôle pendant quelques années, ces dernières années. Donc après, c'est peut-être sûrement mental de leur part. Pourtant, ils se composent quand même de beaucoup de joueurs d'équipe de France qui sont habitués des événements. Ils ont une flopée d'internationaux norvégiens, allemands et français qui ont l'expérience des matchs de très haut niveau de Coupe d'Europe. Hein, ouais. Karabatic en a déjà gagné 3. C'est assez incompréhensible. Ils ont un effectif taillé sur mesure et ils n'y arrivent toujours pas. Mais après, pour moi, arriver au Final Four et se dire que les trois dernières années, on s'est fait éliminer trois fois, je pense que même inconsciemment, ça joue dans les têtes. Mais autant, même pour des grands champions. Autant on peut dire que la victoire sur le buzzer, on va dire, du Vardar dans un match épique, 28 jeux. Enfin, c'était en finale. Non, il y a deux ans, c'était ça. Il y a deux ans, c'était en finale. 24-23. On peut dire que c'est un coup du hasard ou un coup du sort, etc. Parce que ça se joue à un seul point. Autant la défaite face à Nantes l'an dernier est assez incompréhensible, personnellement. C'est vrai que... Même si la compétition avec Montpellier faisait rage jusqu'à l'avant-dernière journée de Lidl Star League. J'ai encore beaucoup de mal à comprendre comment Nantes a pu gagner ce match, d'autant plus simplement la motivation, ça se voyait sur le match. Hein. Mais d'autant plus qu'en finale, Montpellier a relativement bien déroulé totalement bien géré sa deuxième mi-temps face à Nantes. Voilà, Ok. On va passer au football puisqu'il y a deux rendez-vous foot dont on va parler ce soir. On va peut-être commencer avec la Ligue 1. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Ligue 1. Oui, alors je vais très vite passer sur les résultats des gros clubs. Lyon a battu Nîmes 2-0 vendredi soir. Le PSG a atomisé encore une fois à domicile Amiens 5-0. Je crois qu'ils n'ont pas gagné un match avec moins de 3 buts d'écart Paris. Ouais. 10 victoires en 10 matchs. Dans un championnat très compétitif. Oui. C'est n'importe quoi. La Ligue 1, t'inquiète, c'est plus fort que la Serie A. Ouais. L'OM a battu Nice hier soir 1-0, but de Morgan Sanson, l'ancien Montpellierain. Et Montpellier a battu Bordeaux 2-0 hier au stade de la Mosson. Montpellier est 3ème de Ligue 1. On en parlera tout à l'heure. Et là, j'avais une petite question. Vous n'êtes pas sans savoir que la Ligue 1 a recruté deux anciens champions du monde 1998 cette saison. Alors Patrick Vieira, c'était au mois de juin à l'OGC Nice, et Thierry Henry vient d'arriver à l'AS Monaco. Alors, c'est vrai que c'est Il est songeur. J'attends de voir la question. Alors, bon, c'est deux choix qui sont très médiatisés, c'est inévitable. On ne connaît pas vraiment la viabilité des projets, c'est-à-dire que Nice s'est basé sur la conservation de Balotelli et n'a pas recruté des fondeurs de guerre devant. Est-ce que ce sera... Juste Maolida, en fait. Voilà. Est-ce que ce sera préjudiciable pour Vieira ? Le projet de l'AS Monaco, on le connaît, c'est le business. Non, mais qui passait par la qualification avec des champions jusqu'à là. Exactement. Voilà. Donc ces deux jeunes entraîneurs débutent leur carrière. Bon, Patrick Vieira était à New York, mais c'est pas le même niveau, c'est pas le même football. Thierry Henry et Patrick Vieira ont-ils fait le bon choix en venant en France ? C'était une question un peu à la Laurent Delahousse. Hein. J'avoue que là, elle était très longue. Hein. Mais tu m'as coupé dans mon introduction. Ah, mais ça fait investigation, ça me plaît. Tout oui, ça. Ouais. Je pense que Henry a peut-être moins de pression là en arrivant à Monaco, parce qu'il prend un club qui est vraiment en crise de confiance et il peut pas faire pire, entre guillemets. Est-ce qu'il peut faire mieux ? Oui, oui. Ah, s'il peut faire pire ? Il peut descendre en Ligue 2, quoi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au début de saison, il va forcément redresser la barre. Je me fais pas trop de soucis. Alors que Patrick Vieira avec Nice, je suis un peu sceptique. Sur le match d'hier, par exemple, les 30 premières minutes sont très bonnes. Après, il n'y a rien du côté de Nice. Et je pense que même au niveau de l'effectif, Nice, je les sens peut-être un peu plus fragiles que Monaco. Monaco a eu pas mal de blessés. Je sais pas, je serais plus optimiste pour Thierry Henry. J'ai l'impression qu'il a plus l'ADN foot qu'un Patrick Vieira. Alors paradoxalement, Patrick Vieira, il a plus d'expérience puisqu'il a entraîné le New York Cosmos, il a fait quelques années aussi chez les jeunes à City où ça s'est plutôt bien passé. Je sais pas, faut avoir, c'est encore tôt pour donner un verdict, mais en tout cas oui, pour moi je pense que Henry a fait un bon choix en venant à Monaco. Romain. Plus optimiste pour Thierry Henry, c'est clair, effectivement, je pense. Je serais sur le potentiel de l'AS Monaco, et puis comme tu dis, globalement, même si on peut dire, il y a le spectre de la Ligue 2, mais ils peuvent que se relever. Ah, mais ils descendront pas, hein. Ça reste la Ligue 1, les gars. Et ils sont dans une situation critique, sachant que c'est 6 points sur 10 matchs. Donc, effectivement, il ne peut que relever la barre, et il a des joueurs pour le réaliser. Après, il a une pression. Malgré tout importante, sachant que c'est un ancien du club et on a vu tout le buzz médiatique qui a été fait déjà tout au long de la semaine. Pour le moment, c'est sûr que ça n'a pas pu faire ses fruits. Il arrive depuis 3 jours, c'est une défaite supplémentaire, il doit faire avec. Concours de circonstances en plus, cette défaite. Voilà, concours de circonstances un petit peu. À l'inverse, effectivement, pour le Patrick Vieira de. Donc pour l'OGC Nice de Patrick Vieira, pardon. Moi, elle fait plus mal, cette défaite. Cette défaite, elle fait un petit peu mal. Déjà ça, parce c'est clair. Qu'à domicile. Et puis. C'est pas une équipe avec objectivement un potentiel démentiel. Ils se sont séparés de joueurs finalement importants. Alassane Pléa, c'est peut-être un départ encore plus important finalement que celui qui aurait été de Mario Balotelli. Enfin, ça, c'est mon avis. Ah oui. Et puis ça se voit dans les statistiques parce que je crois que l'OGC Nice est la 19e ou 18e attaque de Ligue 1, alors que pourtant t'as un attaquant en forme de classe mondiale normalement comme Balotelli. Et ça, c'est très inquiétant pour l'équipe de. Du coup, est-ce que par exemple, voilà, on sait que Balotelli, à terme, dans une équipe, c'est un problème. Et cette année, il le prouve, je pense que ça va être un boulet pour l'OGC Nice toute la saison. Je pense aussi. Est-ce que, pour vous, Patrick Vieira a l'autorité déjà suffisante ? Alors, il a un statut de champion du monde, oui, mais en tant qu'entraîneur, c'est rien. Enfin, c'est rien. C'est pas un fondeur de guerre. Voilà, il a pas encore prouvé. Est-ce qu'il aura la capacité de dire à Balotelli, maintenant, t'es sur le banc ou tu vas en CFA ? Moi, je pense. Parce que là, je pense que vraiment Balotelli va plomber la saison de l'OGC Nice. Son match hier est honteux. Bah, il ferait mieux de s'en séparer au mercato d'hiver. Moi, personnellement, je suis sceptique, à vrai dire, pour les deux entraîneurs. Patrick Vieira, parce que je trouve qu'il, même, voilà, évidemment, il a entraîné les équipes des jeunes de Manchester, il a entraîné les New York Cosmos, etc. C'est bien ainsi, mais est-ce que ça fait de lui quelqu'un avec les épaules suffisamment larges pour supporter une équipe de Ligue 1, même si le niveau du championnat, je l'accorde, est loin d'être ultra compétitif ? Ça, j'en doute. Avec un effectif, comme on l'a répété, qui franchement ne respire pas la classe à l'état pur. Oh non. Quant à Monaco, alors j'ai envie de croire en Thierry Henry. Le souci, c'est que j'ai beaucoup de mal à croire pour l'instant que la politique russe va, en tout cas des dirigeants russes de l'AS Monaco, va changer avec son arrivée. Parce que Monaco, enfin Henry, je pense, est un bon meneur d'hommes. il peut avoir une bonne tactique. Le souci, c'est que si on commence à lui amputer des joueurs dès la fin de saison et qu'on va lui dire voilà, on va te le remplacer par un joueur venu de Dijon ou de Troyes, ça va être compliqué, même pour Thierry Henry. Nul doute, à mon avis, que Monaco va se maintenir, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Mais est-ce que tu penses que ça ne peut pas changer justement avec Thierry Henry cette politique? Si tu ne peux pas avoir une espèce de mainmise et dire aux dirigeants russes, bah écoutez, moi, à la fin de saison, voilà, on m'a donné telle équipe. À la fin, je veux un vrai numéro 6, un attaquant, vous me donnez les moyens et hop, là je construis l'équipe. J'espère vraiment qu'il y a eu un accord tacite entre les dirigeants russes. Parce qu'il y a eu de longues négociations, donc oui. M'étonnerait que Thierry Henry ait dit on va perdre un élément majeur chaque saison, ben je signe. Je suis assez d'accord aussi avec toi, d'autant plus qu'il était dans une belle zone de confort avec l'équipe de Belgique. Donc j'espère en tout cas qu'il y a eu un accord tacite avec Thierry Henry pour qu'au moins il ait les armes de stabiliser l'effectif. Une marge de manœuvre au moins. Voilà, parce que Monaco ne doit pas. C'est quand même être 19e de Ligue 1 pour l'AS Monaco relève du scandale. Ah oui, totalement. On va continuer, sinon on ne pourra pas parler des autres sports et il nous en reste encore la Serie A dont on va parler maintenant. On ne va peut-être pas faire les scores parce que sinon on n'aura pas le temps. Peut-être poser ta question de suite. Peut-être moi, enfin, est-ce que tu as le classement sous les yeux ou pas du tout pour faire un point classement? Juste dire que ce week-end, évidemment, il y a eu le gros match, c'était le derby de Milan qui a tourné à l'avantage des interistes à la dernière minute avec un but de Mauro Icardi. Toi, ta question peut-être, ou tes questions sur la Serie A? Alors ma question, elle portait en réalité sur le vainqueur du derby hier. Je le fais pas forcément par grand plaisir, hein, parce que l'Inter n'est pas trop ma tasse de thé. Mais cet Inter-là, je le vois depuis des années, est en train, à la différence du Milan AC, de stabiliser, d'avoir une vraie marge de progression, de stabiliser son effectif. Je ne suis pas fan de l'entraîneur en question qui est Luciano Spalletti, mais est-ce que vous pensez que cet Inter-là, c'est à chaque fois la question qu'on faisait avec le Napoli ces dernières années, peut être un vrai trouble fait, alors pas pour la Juve cette année en championnat, mais plus en Coupe d'Europe, de faire un truc, de se stabiliser, en tout cas d'être régulièrement qualifié en Ligue des Champions, voire de réitérer des performances à l'échelle européenne comme ils l'ont fait face à Tottenham en Ligue des Champions. Petite info juste avant, l'Inter est troisième en championnat. Bon, évidemment, déjà presque, on va pas dire largué de la Juve à 6 points. Mais ils ont perdu 4. Que 2 points, si, si, si, mais à 2 points contre, derrière Naples. Oui. Le Napoli, en plus, qui était premier concurrent, mais qui a déjà perdu le match du championnat quasiment face à la Juve en début de saison. Donc, en fait, la question portait pas forcément sur le futur champion. Je ne pense pas sincèrement qu'il y aura surprise. Ouais, est-ce que l'Inter va continuer à se stabiliser ses années d'antan, quoi. Est-ce que l'Inter va se stabiliser en étant régulièrement deuxième? Parce que je pense que l'effectif, pour moi, est peut-être pas le meilleur effectif de Serie A derrière la Juve, parce que je pense que Napoli est plus talentueux, mais l'effectif le plus cohérent en tout cas, avec une vraie tactique de jeu, avec une vraie politique, une vraie politique de joueur et avec un attaquant de classe mondiale, il faut reconnaître. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression qu'ils ont aussi pas mal de jeunes. Moi perso, je suis pas un spécialiste de Serie A, mais les Vecino, Politano et tout ça, ça paraît assez prometteur. Et c'est un club qui travaille, je trouve, mieux que le Milan AC au niveau du mercato depuis quelques années. Il y a eu quelques erreurs de casting au niveau du Milan, même pour l'instant Higuain, je sais pas si tu vas me contredire, ça a l'air d'être une franche réussite. Higuain, en fait, le souci c'est qu'il a quand même de belles stats, en tout cas pour les occasions qu'il a, parce qu'il est déjà à 3 buts et 2 passes décisives en Serie A. Le souci c'est qu'un Higuain qui joue à 40 mètres des cages adverses parce que le bloc est bas, n'est pas un Higuain qui peut marquer 20 buts par saison, quoi. D'accord, il joue beaucoup plus bas que la Juve. Higuain, il est connu quand même pour être fort contre les faibles et faibles contre les forts. Oui, mais en Serie A, je veux dire, il a régulièrement une dynamique d'avoir au moins 20-25 buts par saison. Et je veux dire, un Higuain à 40 mètres des cages est un gâchis absolu pour moi, ça me fait mal au cœur. Donc, ouais, non, c'est sûr. Après, même si moi-même je préfère le Milan, revenant du coup à notre sujet sur l'Inter, pour moi, cet Inter Milan, effectivement, est un des plus intéressants depuis de nombreuses saisons, en tout cas. Il monte en puissance, à l'inverse de Naples, qui a tendance ces dernières saisons, finalement, un petit peu stagner par rapport au potentiel et à ce qu'il pouvait aussi produire en termes de jeu et qu'on espérait voir sur la scène européenne. L'Inter est une équipe assez solide et qui, je pense, est capable de réaliser des coups en Europe. Alors à voir si ce sera qu'ils ont battu Tottenham à Wembley. Après avoir notamment cette victoire à Wembley à l'extérieur. Et puis, il y a du potentiel. C'était à San Siro, désolé. C'était à Giuseppe. À domicile, pardon. Autant à l'extérieur que. Autant, à, je veux dire, défensivement que, qu'offensivement, parce qu'effectivement, Icardi, dont on parle pas si souvent, est vraiment un attaquant de classe mondiale. Maintenant, je trouve qu'il Il est sans problème dans les 5 meilleurs 9 d'Europe. Hein. Entouré de quelques Croates qu'on a vu briller aussi au mondial, Brozovic, Perisic, les jeunes que tu disais, comme par exemple Vecino. Cette équipe avait un beau potentiel et est capable tant de finir sur le podium en Serie A que aller loin dans une Coupe nationale. Déjà sortir de la poule doit être bon au niveau européen, aller en 8ème. Ouais. Peut-être dernière réaction de Guillaume, quelques secondes. C'est gentil parce que c'était pas prévu. oui, moi, pour moi, il y a deux interrogations au futur de l'Inter. Est-ce que viser directement la Ligue des Champions, c'est pas trop tôt et passer par des belles performances en Ligue Europa? Et deuxièmement, c'est la question du fair play financier. Enfin, de la stabilité financière de l'Inter, ça, il faudra voir. Il faudra voir sur les saisons à futur. Okay. Voilà. Juste pour terminer, une dernière phrase hein, et je laisse la parole à Flo. Nord l'Inter, pour l'instant, pour le fair play financier dans les cordes, ils ne font pas forcément, ils font des ventes, mais ils ne font pas forcément de grosses recrues à 50-60 millions. Donc parce ils recrutent intelligents. Même Nainggolan n'a pas coûté si cher que ça. Oui, et en fait, surtout, ils recrutent en fin de contrat. Si on va parler de transfert de l'Inter. Voilà. Désolé. Non, parce que sinon, on peut aller très loin. Et sinon, on va perdre du temps. Romain, pour les autres sports, en bref, cette fois-ci, cette semaine. Nouveau format. Ouais. Nouveau format, on tente des choses. Hein. Exactement, on tente des choses. Alors, on va démarrer avec la MotoGP cette semaine et donc les deux sports. Mécanique parce que j'enchaînerai sur la Formule 1 et donc Marc Marquez remporte le GP de Motegi au Japon et remporte ainsi son 5e titre dans la catégorie reine de MotoGP alors qu'il reste encore 3 courses à disputer, donc assez tranquille pour Marquez finalement cette saison malgré le beau duel avec Andrea Dovizioso, son principal adversaire qui a chuté à 2 tours de la fin du GP lors d'un nouveau duel au sommet face au pilote espagnol. Il s'impose dans ce Grand Prix de Motegi devant Cal Crutchlow et son compatriote de l'écurie Suzuki Alex Rins. Valentino Rossi termine au pied du podium et Johan Zarco parti en première ligne et 6e. En Formule 1, Kimi Raikkonen au volant de sa monoplace Ferrari remporte le GP des Amériques à Austin au Texas devant le pilote Red Bull Max Verstappen, auteur d'une magnifique remontée de la 18e à la 2e place, et Lewis Hamilton qui accroît son avantage au classement des pilotes mais qui devra patienter au minimum jusqu'au prochain GP du Mexique. Il manque 5 points sacré. Il faut qu'il finisse une fois 7e lors des 3 prochains Grands Prix. Donc ça sera difficile. Ça devrait bien se passer. Côté français, GP oublié pour Sébastien Grosjean, Charles Leclerc contraint à l'abandon, Esteban Ocon disqualifié pour Force India et pour Pierre Gasly seulement 12e après les disqualifications de Ocon et bon Magnussen. Week-end. Donc très mauvais week-end pour les Français et très bon week-end pour l'historique finlandais Kimi Raikkonen. Du côté du tennis, plusieurs joueurs se sont illustrés cette semaine dans des tournois de plus faible importance, avec notamment les victoires de Stefanos Tsitsipas à Stockholm, pardon, de Kyle Edmund à Anvers face à notre Gaël Monfils, 3-6, 7-6, 7-6. Le Britannique Edmund empêche les Français de réaliser la passe de 3 en Belgique après les victoires de Tsonga et Gasquet les deux dernières années. Le Russe Karen Khachanov a lui gagné à Moscou en dominant Adrian Manarino en finale. Mauvais stat pour le Français, défait pour la 6e fois de sa carrière lors d'une finale. Donc, pas de comme Gaël Monfils. Comme un certain Julien Benneteau aussi. Hein. Et puis j'enchaîne du coup avec le Masters féminin. Deux groupes et une absence de marque, la numéro 1 mondiale Simona Halep. Le groupe blanc est composé d'Elena Svitolina, Petra Kvitova, Karolina Pliskova et Caroline Wozniacki. Le groupe rouge de Sloane Stephens, Naomi Osaka, Angélique Kerber et Kiki Bertens. Pour les premiers résultats, lors des deux premières journées, victoire de Svitolina sur Kvitova et de Pliskova contre Wozniacki. Ainsi qu'une victoire donc, pour Sloane Stephens contre Naomi Osaka. Et Tim, tu me diras, je ne sais pas, Angélique Kerber avait gagné le premier 7-6. Au dernier moment où j'ai justement regardé. J'allais te demander, je m'étais arrêté à 6-3, 4-3, donc je pense qu'elle a gagné Kerber, mais j'en suis pas sûr. Voilà, donc à vérifier donc contre Kiki Bertens qui est l'invité de dernière minute après effectivement le forfait qui a gagné Cincinnati, de Simona Halep. Elle a perdu face à Kiki Bertens. Elle a perdu finalement, donc oui. Victoire pour la jeune néerlandaise Bertens. Comme pour rappeler que le tennis féminin est un pronosticable finalement. Voilà. Exactement. Ensuite, un événement un petit peu étonnant mais qui avait lieu en France que j'ai cité la semaine dernière, le tennis de table. On enchaîne tennis, voyez-vous. Le chinois Fan Zhendong a remporté dimanche la Coupe du Monde qui était organisée en France à la Disney Events Arena dont je vous parlais. Oh. Disneyland Paris, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Il a battu en finale l'allemand Timo Boll 4-7-1. Il avait lui-même, donc ce chinois, déjà gagné la Coupe du Monde en 2016. Côté français, les deux français engagés, Simon Gauzy et Emmanuel Lebesson, qui était donc engagé en Coupe du Monde, ont été éliminés samedi en 8e de finale. Du côté de la boxe, le français Arsène Goulamirian a conservé au Palais des Sports de Marseille sa ceinture WBA des lourds légers après sa victoire contre l'Australien Mark Flanagan par jet de l'éponge à la 9e reprise. Il avait été sacré dans cette catégorie il y a 7 mois face au Belge Riyad Mehri, et le français est parvenu donc à assumer son statut et signe ainsi sa 24e victoire en autant de combats. Tranquille pour celui-ci. Ça va. Ensuite, un autre événement peu médiatisé mais assez impressionnant, c'est la Diagonale des Fous qui avait lieu à l'île de la Réunion lors de ce week-end, enfin qui arrivait vendredi, donc plutôt lors de la fin de la semaine. François Daen et Benoît Girondel ont remporté tous deux la Diagonale des Fous. Tu peux nous dire ce que c'est la Diagonale des Fous ? Et j'y viens, du coup, c'est une épreuve de trail assez impressionnante de 169 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif, donc il faut être costaud. Solide, ouais. D'autant plus qu'il faut préciser que les sportifs qui participent à la Diagonale des Fous sont des amateurs. François Daen et donc Benoît Girondel qui l'ont emporté. François Daen, pour le dire, il est viticulteur dans le Beaujolais, j'ai vu. Et Benoît Girondel, c'est un agent de la SNCF. Donc sympathique de faire ça dans l'année, 169 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Pour le premier, François Daen, c'est sa 4e victoire. Et Girondel, sa 2e. Il était vainqueur surprise en 2017, mais finalement, il enchaîne bien en l'emportant à nouveau. J'ai fini 7e. Dernière info. Dernière info, c'est du côté du rugby, parce qu'on ne l'a pas cité, je fais un choix, il y en avait d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, mais tu as fait un choix. Avec le groupe France qui a été donné, et donc, contrairement à ce qui avait été annoncé par nous-mêmes la semaine dernière, comme ça je me permets de le préciser, les Français futurement naturalisés, mais donc ils ne sont pas tout à fait Ali Veriti, Raka et Paul Williamson n'ont pas été appelés, et ça a été d'ailleurs justifié par le sélectionneur Bernard Laporte, lapsus justement elle était belle celle-là, tiens. Il le fut donc par le président de la fédération et donc par choix a priori de Jacques Brunel aussi, en accord entre les deux hommes, de ne pas les sélectionner. Je vous encourage à lire la déclaration en ligne. Très bien, on va pas tarder, on va passer tout de suite au sport montpellier. Sport and Chill, le sport montpellierin. Allez, on va un petit peu rattraper notre retard. Avant de parler des deux gros matchs, des deux gros clubs de Montpellier, on va peut-être parler des résultats en bref et un bilan de la semaine en comptant le MHSC et le MHR, du coup, de 7 victoires et de 3 défaites pour ce week-end montpellierin. Résultat en bref, donc Montpellier Futsal qui s'impose 5-4 contre Kingersheim en D1 de Futsal. MHSC féminin qui relève la tête et plus que bien avec un 11-0 contre Metz. Tranquille. Au niveau du volley, il y avait deux matchs cette semaine. C'est une défaite et une victoire. La défaite à Cannes, 3-7-2 pour Montpellier Volley. Et la victoire à domicile, 3-0 contre Nice. Le MRC en rugby féminin qui s'impose 54-3 contre Lens. Le MHB, on en parle un peu moins puisque c'était la Coupe du Monde des clubs au niveau du hand, parce que ça existe aussi au niveau du hand. Le MHB a fini 3e. Belle invention, ça, encore. Ouais, et qui a été défait par Barcelone en demi. Les Vipers se sont encore inclinés malheureusement en D1 de hockey à Neuilly-sur-Marne, 4-2 pour Neuilly. Et enfin, le BLM a fait 2 matchs et 2 victoires cette semaine, 77-60 à Charleville et victoire à domicile 80-63 contre l'ASVEL féminin. Je voulais faire un petit focus sur les JOJ, donc les Jeux Olympiques de la Jeunesse. On en a parlé la semaine dernière, on en parle très peu. Et nous, on va parler donc du compteur des Bleus cette semaine. De 27 médailles, 5 en or, 15 en argent et 7 en bronze. C'est le résultat de l'équipe de France dans ces JOJ à Buenos Aires, en Argentine. A noter les performances des jeunes médaillés de la région, je les cite tous. Hugo Gaston en tennis, Poema Newland en voile, Tayla Brio en boxe, Emma Riff en pentathlon moderne, Lila Touy en natation, Tom Bouchardon en canoë-kayak, Célia Roux, Callum Randle, Axel Berthoumieux et Yoram Moefana, ainsi que Chloé Sands en rugby à 7. Puisqu'ils ont été les féminines et les masculins, ils ont été médaillés d'argent donc au rugby. Ce n'est pas moins donc de 11 médailles sur 16 jeunes de la région qui sont partis. Donc et c'est un très très beau quota pour les jeunes très, de la région. Très grand espoir du tennis français. Ouais, qui a gagné en double mix, en double avec homme et en simple. Donc tout ce qu'il pouvait gagner. En effet, brillant pour lui. Michael Phelps dans le métier. Déjà, toujours déjà le comparer au plus grand. Le MHR, on va passer aussi très rapidement là-dessus, mais le MHR qui a fait surtout une contre-performance cette semaine en s'inclinant à la dernière minute, et non pas des moindres, la dernière minute, c'est à la 88e. Ouais, 88e, 89e. Ouais. Peut-être une réaction sur ça, Romain, si tu as vu le match. Oui, j'ai vu le match. Je l'ai très mal vécu. Non, parce que effectivement, Montpellier a mal débuté en première période. Ensuite, ils se sont très très bien repris en seconde, prenant l'avantage sur cette équipe des Newcastle Falcons. Ils menaient 20 à 16. Ils ont des possessions, notamment dans la moitié de terrain de Newcastle. Donc c'est là où la défaite est d'autant plus difficile et cuisante, parce que personnellement, pour le coup, je la voyais absolument pas venir. Vous savez au rugby comment ça se passe, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt de jeu, mais par contre, tant qu'il n'y a pas de pénalité, donc l'arbitre n'a pas une raison valable de siffler la fin du match, on continue de jouer. Ouais. Et les joueurs de Newcastle n'ont jamais laissé tomber, ils sont revenus dans notre moitié de terrain, petit à petit, en étant appliqués, et effectivement, ils ont eu la bonne occasion, et ils ont su la saisir en toute fin de match, c'est le moins qu'on puisse dire. Marquant un essai au pied des poteaux qui est venu crucifier le MHR, passant à 21-20, transformation anecdotique, et une défaite 23-20 qui fait mal, surtout que Montpellier avait bien débuté, sans briller, mais avait bien débuté en l'emportant lors de la première journée. Là, c'est une défaite alors qu'ils étaient tout proches d'aller chercher une victoire à l'extérieur, qu'on sait ô combien importante en Coupe d'Europe de rugby. Et donc là, bah, ils se compliquent la tâche et il va falloir maintenant faire un quasi sans faute pour aller chercher la qualification. Ce qui est en plus une poule accessible pour le MHR, hein, ça c'est clair et net. Mm. Et puis, bon, là, la double confrontation face à Toulon va être décisive. Autant Toulon, je pense, est déjà en dehors de la qualification, autant le MHR n'a pas intérêt à laisser passer ces deux matchs. C'est deux victoires obligatoires avec le bonus. Oui. Bah, à Toulon, ça va être contrairement plus dur, à Toulon, mais il le faudra. Qui est quasiment déjà éliminé, on va dire. On va passer au football pour sur dernier sport des sports montpelliérains et la victoire du MHSC 2-0 contre les Girondins de Bordeaux, but de Gaëtan Laborde à la 17e, ainsi que Andy Delors, donc les deux attaquants sur penalty, cette fois-ci Andy Delors. Que penser du match, peut-être une réaction de Guillaume, une confirmation qui est d'autant plus importante même que le match face à Nîmes. Oui, une confirmation déjà dans le jeu. Les résultats, c'est une chose. 9e match sans défaite. Mais dans le jeu, il y a du mieux. Bah, c'est incontestable. Il y a une. En l'absence en plus de Florian Mollet. Ouais. Florent. Florent Mollet. Et de Florian Triant. Ambroise Oyongo également sur son côté gauche. Le MHSC n'est pas encore l'équipe qui fait régaler, mais c'est solide. Ça joue vers l'avant, il y a deux points d'ancrage devant qui font énormément de bien dans les moments difficiles des rencontres. Une efficacité retrouvée avec Laborde et Delors qui marquent maintenant à chaque match. Alors, est-ce que, c'est ma petite question, est-ce que ça permet de nous faire entrevoir une saison exceptionnelle à l'échelle de Montpellier, une saison exceptionnelle, ce serait top 5? Ou est-ce que vous pensez que ça va le compte de fées va s'estomper au fur et à mesure de la saison? Et je peux inclure dans cette question le parcours du LOSC, qui est un peu similaire. Bon, moi je pense que, première chose, Montpellier n'a pas encore joué des grosses équipes. C'est vrai. Donc on verra ça déjà. Mais ils vont bientôt jouer Marseille. Exactement, on verra ça, on pourra déjà se faire un avis après le match face à Marseille début novembre. Moi, ce que je vois de Montpellier, c'est à peu près, voilà, c'est comme tu le disais, il faudrait pas que ça soit des performances en trompe-l'œil. Lille, je ne pense pas qu'ils pourront réitérer ce genre de performances d'ici la fin de saison. Ils sont certes sur une grosse dynamique, avec, on connaît un peu leur tactique, hein, avec des joueurs ultra rapides devant, et ça, c'est très supersonique. Montpellier, ce qui est très intéressant, la différence de Lille, c'est qu'il y a un peu plus de variété dans le jeu, j'ai l'impression. Avec, comme tu le disais, de vrais points d'ancrage que sont Delors et Laborde. Je trouve que Laborde fait un bien fou à cette équipe. Delors, certes, dans son registre, apporte aussi beaucoup de choses, mais je trouve que Laborde, déjà, voilà, Laborde ne rechigne pas l'effort, est très bon dans le jeu aérien, fait des remises. En plus, quand tu vois que face à Bordeaux, qui était évidemment loin d'être la meilleure équipe dans la dynamique Ligue 1, sans Florent Mollet, Montpellier a très très bien géré, même à laisser jouer Bordeaux pendant les 20 dernières minutes, en n'étant pas forcément inquiété. Montpellier peut voir venir. Montpellier, à mon avis, clairement les épaules pour chercher l'Europa League. Il faudra peut-être compter sur le retour de Monaco, mais je pense que J'y crois si pas trop. Nice, non. Je pense que Montpellier a un bien meilleur effectif que Nice. Tu disais qu'on n'a pas joué les gros, mais Montpellier a battu a priori les équipes de son championnat dans ton pensée. La confrontation directe, tu veux dire. Oui, voilà. Montpellier n'est pas censé jouer avec la Cour des Grands. Absolument. Mais est censé jouer avec Bordeaux, avec Nice, avec Saint-Etienne. On n'a pas perdu contre Saint-Etienne. Nice, on n'a pas joué. Ouais. On a battu Rennes Bordeaux. Non plus. Rennes, voilà, ce sera un championnat avec Rennes pour la 6ème, 10ème place. Voilà, il faudra viser l'Europa League. Et pour l'instant, je pense qu'on est une des meilleures équipes. Montpellier a les épaules cette année. En plus, il y a un vrai système de jeu. On voit que Der Zakarian est en train, peut-être, espérons-le, de modifier sa logique, sa vision des choses sur le terrain. Match, en tout cas, c'est agréable à voir. Montpellier, quand ça joue haut, je le maintiens. Et c'est un gâchis de jouer avec un bloc bas avec cette équipe. Il y a des joueurs qui ont le ballon. Laissons-les jouer. Ok, d'accord. C'est la conclusion magnifique de Yacine sur les MHSC. Et quant à nous, on passe à notre première pause musicale, Tim. Ouais, je vous emmenais dans les années 80. J'avais envie d'être vintage. Yeah. Ça sera du Diana Ross Upside Down. Yes. À tout de suite. Sur Sport and Chill, c'était donc Diana Ross avec le titre Upside Down. Tout de suite, on passe à l'interview. Sport and Chill, l'interview. L'interview Chill. Et ce soir, nous recevons des invités pour notre notre thème général, on va dire, de la diététique du sport, mais un sous-thème, on va dire, de la prise de masse ce soir. On reçoit donc Coraline et Lauriane, stagiaires diététiciennes du sport au Crêpes de Montpellier, et qui ont servi aussi coordinatrices du débat, si on peut appeler ça comme ça, entre Radio Campus et le Crêpes, et aussi Thomas Ladra, diététicien et nutritionniste du sport. Tout à fait. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Pas trop le stress, surtout avec la caméra maintenant. cette année, c'est la grande nouveauté de Sport and Chill. Ouais. Justement, diététicien et nutritionniste du sport, c'est ma première question. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors oui, il y a une différence fondamentale entre les deux. Donc le diététicien, ça va être celui qui a le diplôme d'État, BTS. Donc BTS ou DUT en diététique. On le fait en 2 ans. Mmh. C'est une formation sur 2 ans. Alors que le nutritionniste, c'est un médecin qui a déjà sa spécialité propre, donc par exemple un endocrinologue, qui en plus de ça va avoir des connaissances, une spécialisation en nutrition. D'accord, donc voici la petite différence. Moi je ne le savais pas, bon, je l'ai su il y a 2 semaines parce qu'on en a parlé, hein. je vous gâche rien, mais je ne le savais pas à l'époque. Notre donc, sujet parle de la prise de masse, ça s'inscrit justement dans quoi la diététique du sport, la nutrition du sport, les deux du coup. Bah oui, du coup ça reprend les deux parce qu'il y a différents aspects dans la prise de masse et ça touche les sportifs mais aussi les non-sportifs. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel forcément pour avoir cette envie justement de prendre de la masse. Ça concerne aussi le grand public. Oui. Justement, la nutrition et la diététique utilisée à bon escient, évidemment, on est d'accord pour dire que c'est le bien-être du corps, mais est-ce que ça peut être aussi le bien-être de l'esprit, avoir une bonne alimentation, avoir une bonne diététique dans le sport? Totalement. Oui, c'est primordial. La santé, d'ailleurs, est définie comme un équilibre entre le corps, l'absence de maladie, mais aussi la santé mentale. Et donc, du coup, l'alimentation, clairement, aura un rôle sur l'esprit, l'équilibre psychologique et social. Oui, on dit que dans le sport, c'est surtout peut-être pas 50% le physique, mais enfin la nutrition, mais quasiment au final. C'est difficile de chiffrer, mais ouais. Effectivement, on sait que ça a un rôle important. Ouais. Notre premier thème, c'est un peu cette définition de la prise de masse. Et commencer peut-être par qui, pour le public qui est concerné par cette prise de masse. À qui destinée la prise de masse aujourd'hui? Quel est le public le plus, on peut dire entre guillemets, demandeur de la prise de masse? On pense aux jeunes, évidemment, peut-être. Bah forcément les jeunes en général c'est ce qui va vraiment leur donner envie, c'est leur intérêt premier, surtout l'esthétique. À l'adolescence, voilà, pour l'esthétique, la confiance en soi, avoir aussi. Du muscle, être bien taillé, c'est quelque chose qui revient beaucoup. En plus avec tout ce qui est l'essor des salles de sport actuellement, c'est vraiment devenu tendance, voilà, d'être fit, d'entretenir son corps justement. Donc au niveau du grand public ça se répand beaucoup et notamment chez les ados garçons. Comment on explique le fait justement que c'est beaucoup plus répandu que, on va dire, peut-être une dizaine, une quinzaine d'années? Les salles de sport se sont ouvertes par centaines, par milliers dans toutes les grandes villes de France. Comment on explique ça? Certainement le culte du corps qui est différent à l'heure actuelle, les réseaux sociaux aussi qui font qu'on s'expose plus et qu'on est plus guidé aussi par ça. Dans une période de la vie où l'adolescence, on est en recherche de repères, besoin aussi de s'imposer ou de développer quelque chose sur ce côté-là. La politique aussi, non? Avec le manger bouger, le... Oui, on a conscience un peu plus, de façon un peu plus présente, qu'il faut faire de l'activité, qu'il faut bouger. Peut-être que du coup elles sont plus accessibles, comme il y en a plus et plus réparties, il y a des low cost, il y en a des un peu plus haut de gamme, ça correspond peut-être à une gamme un petit peu plus différente pour toucher tout le monde en fait. D'accord. Et au niveau du sportif, dans le cadre de la pratique, de quel sport est-il intéressant de prendre de la masse musculaire? Est-ce qu'il y a des sports où il est plus intéressant de prendre de la masse pour? Oui, il y a des... je sais pas si... Moi j'aurais dit les sports d'explosivité. Oui, forcément, tout ce qui va demander plus de puissance, les sports d'impact. C'est sûr qu'un rugbyman, il va avoir plus d'intérêt à être musclé qu'un coureur, cycliste, par exemple. C'est pas du tout les mêmes objectifs et les mêmes exigences. Oui, il y aura voilà, les sports où il y a des contacts qui sont de façon très présente. Le rugby, on y pense tout de suite. Vous avez parlé du MHB tout à l'heure, au handball. Il faut aussi avoir un impact physique assez présent, sans perdre en explosivité, sans perdre en capacité aussi technique. Des sports de vitesse, comme le sprint, le 100 mètres, 200 mètres, on voit qu'ils ont un gabarit autre que ceux qui font du 800, du 1500, forcément. Et après, il y a aussi la recherche de la prise de masse, surtout à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, pour un équilibre corporel dans des sports un peu asymétriques, pour corriger ou des choses comme ça aussi. Et donc, après le pour qui, le pourquoi, la prise de masse, on a commencé à en parler un petit peu. Quels sont les intérêts à la prise de masse pour ce que j'appelle, entre guillemets, le grand public, pour nous, on va dire, simple mortel. Est-ce que c'est la musculation, le plaisir de la musculation? Est-ce que c'est l'esthétique? On a parlé, ça en fait partie, je pense. Est-ce que c'est juste pour le physique dans le sport, ou est-ce que c'est aussi peut-être nutritionnel pour certains de changer son alimentation avec une prise de masse peut-être individuelle? Bah, c'est vrai que chez les jeunes, c'est plutôt pour développer ses capacités physiques et pour une meilleure estime de soi aussi. Mmh. Et c'est lié à l'apparence. Chez les jeunes, c'est plus ça. C'est surtout ça. Ouais. Ouais, donc, et pour les autres, peut-être les plus adultes Bah après, ça peut pas forcément être juste aussi pour l'apparence physique, mais aussi le fait de se sentir mieux dans son corps, aussi des fois plus en forme, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui des fois sont plutôt en sous-poids ou un peu frêles et qui vont pas forcément chercher à avoir du muscle pour avoir du muscle et le moins de forme, mais pour avoir aussi une meilleure constitution physique de base, quoi. Mmh. Et pour les sportifs de haut niveau, c'est la même chose. Est-ce que l'esthétique prend un peu le pas sur la performance au niveau de la prise de masse ou pas? Non, je pense pas. Dans les sports de haut niveau, on va plutôt rechercher la performance. Quand il y a une recherche de gain de masse musculaire, en général, c'est plutôt dans un objectif d'abord de performance. Oui, bien sûr. C'est pas une recherche physique, c'est pas là qu'on va avoir de meilleurs résultats. On a aussi par la prise de masse un intérêt pour augmenter la force, par exemple, selon le type de travail musculaire qui va être fait. Et après, comme je disais, il y a aussi l'équilibre ou pour mieux supporter les impacts, comme au rugby notamment, on y pense tout de suite, ou pour mieux avoir un meilleur équilibre global du schéma corporel. Ouais, parce que moi, oui, vas-y, je t'en prie, Yacine. Je voulais poser une question justement qui avait. Pardon. Je voulais poser une question qui avait trait justement à la corrélation entre prise de masse, vitesse, force, etc. Donc, c'est un mythe répandu. Certains pensent que par exemple la prise de masse entraînerait une baisse de la vitesse. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est pas du tout le cas? Est-ce qu'il peut y avoir des spécificités à certains sports? Comment ça se passe? Alors en fait, ça va dépendre vraiment aussi comment c'est travaillé. C'est-à-dire quand on augmente la section du muscle, c'est-à-dire quand on augmente la taille du muscle, on va avoir un gain de force potentiel, mais on peut augmenter la force sans augmenter la taille du muscle. Ça, c'est vraiment les préparateurs physiques qui jouent là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut augmenter la vitesse ou la force sans augmenter la taille du muscle. Et il n'y a pas d'intérêt à augmenter de façon trop importante la taille du muscle, parce qu'après, il y a des limites, puisque ça va faire du poids en plus. C'est peut-être pour ça, justement, on en parlait juste avant. Évidemment, moi, je vois en image, je vois le cycliste, évidemment, qui gravit des cols énormes, qui a besoin de tous ses muscles pour monter l'Alpe d'Huez, par exemple, et pourtant qui, au niveau de l'apparence, est frêle. Comment ça s'explique, ça? Bah lui, il est plus sur un sport d'endurance, c'est-à-dire un sport de longue durée. Si on regarde ses cuisses, il va avoir des cuisses imposantes, parce qu'ils ont des tours de cuisses assez impressionnants, moins que ceux qui le font sur piste, puisqu'en fait, ils ne sont pas sur le même effort et ils ne vont pas non plus développer les mêmes types de fibres musculaires. Dans les muscles, on a différents types de fibres musculaires. Mmh. Ils seront plus sur des fibres qui vont être sollicitées sur des efforts de longue durée, alors que le sprinter, par exemple, va avoir des fibres plus grosses, mais qui seront beaucoup plus fatigables. D'accord, donc ça explique un peu par ça. Et du coup, on en a parlé tout à l'heure, peut-être les sports avec du contact et de sprint, peut-être, ou d'explosivité, sont, on voit qu'il y a quand même une bonne différence avec des Usain Bolt ou quoi que ce soit. Quoique un Usain Bolt, j'ai peut-être pris le mauvais exemple. Il y a un profil un peu à part. Un profil un peu atypique, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et au niveau, donc, pour quels sont les objectifs sportifs, est-il préconisé pour prendre de la masse musculaire? Quels sont un peu ces objectifs sportifs qui sont préconisés en termes d'objectifs sportifs? Je sais pas, ouais. En termes d'entraînement, oui. Alors, ça va dépendre si on cherche à prendre de la masse simplement en termes de volume pour l'apparence, ou si on cherche à gagner en force, en explosivité, en puissance. Donc du coup, le préparateur physique va travailler différemment Par exemple, si on compare du bodybuildisme à un sprinter ou un haltérophile, par exemple. D'accord. Donc la façon de travailler, est-ce que ça sera des séries très courtes avec beaucoup de charges ou des séries un peu plus longues avec moins de charges, voire des séries très longues avec très peu de charges, ça va vraiment dépendre de ça. L'organisme va s'adapter, on sait par les études scientifiques ce qu'il faut travailler plus précisément. Justement, peut-être tu parlais de bodybuilder, est-ce que c'est la différence entre la prise de masse où on voit que quelqu'un a beaucoup de muscles et celle où... Ou peut-être un sportif, est-ce qu'il y a une différence entre un bodybuilder et un sportif, par exemple, au niveau de la prise de masse? Alors, le bodybuilder, lui, le fait dans une démarche de compétition, et ouais. À la compétition, le seul juge, c'est le physique, c'est l'esthétique. On ne va pas juger s'il a soulevé 140, 150 ou 181 kilos. Mais eux, ils font une prise de masse musculaire. Après, ils font d'autres protocoles, comme de la sèche, pour avoir aussi des muscles très dessinés. Il y a des critères, il faut la peau très fine, voir les fibres musculaires, que les muscles soient uniformément développés aussi, etc. Est-ce qu'on a la même puissance, du coup, entre les deux? Non. Pas du tout. Non, ce ne sera pas les mêmes choses qui seront travaillées. Donc, ça veut pas dire. On entend souvent c'est de la gonflette. Ça veut pas dire que la personne n'a pas de force, hein, pas du tout. Elle a fait ce travail, mais elle va travailler sur des intensités particulières. D'accord. On a posé la question du pour qui, on a posé la question du pourquoi, et on pose aussi la question du comment prendre de la masse. C'est peut-être le plus important d'ailleurs. Au niveau des entraînements, on va continuer encore un petit peu sur le physique. Quel rythme doit-on avoir pour prendre de la masse? Peut-être au niveau de la fréquence Ça, faut savoir que c'est variable aussi vraiment selon les personnes. Parce que selon le type de métabolisme, vous avez des personnes qui vont prendre en muscle plus facilement que d'autres. Mmh. Donc, y en a certaines, elles vont pouvoir faire beaucoup d'exercices. Et puis elles vont prendre de la masse, et d'autres qui au contraire vont avoir plus de mal, et justement elles vont pas devoir faire trop, parce que sinon ça va faire l'effet inverse, elles vont perdre du poids ou elles vont pas forcément réussir à prendre. Donc ça se module aussi selon la personne vraiment. Donc de pas être non plus dans le surentraînement qui sera contre-productif, mais en même temps de faire travailler assez pour avoir du résultat. D'accord, et le type d'entraînement à peu près pour la prise de masse qu'on En général, notamment si on est sur un sportif qui n'est pas à haut niveau, on va préconiser au moins 3 séances par semaine d'une heure et demie s'il veut obtenir une prise de masse musculaire de qualité. Après, on peut être à un peu plus, mais comme l'a dit Coraline, si on a trop de sollicitations, comme certains qui veulent trop bien faire, et qu'il n'y a pas assez de récupération, le corps n'a pas le temps de se régénérer, la resynthèse des cellules musculaires n'a pas le temps d'être effectuée. Est-ce qu'il faut uniformiser un peu l'entraînement, c'est-à-dire muscler un peu partout, ou c'est dangereux justement de muscler qu'une partie du corps à la fois? Ça peut créer des déséquilibres, donc après c'est plus en termes de posture, de blessure, on va augmenter le potentiel de blessure si on travaille vraiment un groupe musculaire. Par contre, en général, ce qu'ils font bien, c'est de travailler les muscles antagonistes et agonistes, c'est-à-dire pour un même groupe musculaire, travailler par exemple les quadriceps devant la cuisse et les ischio-jambiers qui sont derrière la cuisse, pour équilibrer la charge sur les articulations aussi, etc. D'accord. Et au niveau... peut-être plus passer du côté de l'alimentation, parce que ça se joue aussi là-dessus. Quels aliments sont à privilégier pour prendre de la masse musculaire? Est-ce que, j'ai lu quelques articles évidemment sur la prise de masse, est-ce que là aussi le bio c'est l'avenir? C'est surprenant, c'est beau. Non, au niveau des... Sans blaguer, au niveau des aliments, qu'est-ce qu'on doit préconiser un peu? Alors, au niveau des aliments, le bio, après, ça c'est peut-être plus un avis personnel qu'autre chose. Je pense pas que ce soit fondamental pour la prise de masse. Non, ce qui est important, et ça, le grand public il connaît très bien le mot, c'est les fameuses protéines qu'on retrouve dans la viande, le poisson, les produits laitiers. On voit souvent cette image des œufs et du riz. Est-ce que c'est un stéréotype ou pas du tout? Alors oui et non, les œufs c'est vraiment une très bonne source de protéines, parce qu'il faut savoir que les protéines de l'œuf font partie des protéines qui sont le mieux assimilées, donc qui vont faire partie des protéines les plus efficaces dans le cas d'une prise de masse. Alors le riz en soi, il n'est pas riche en protéines, il est riche en glucides, mais ce qu'il faut savoir c'est que quand on cherche à prendre de la masse, on va chercher à augmenter sa ration de protéines, mais il ne faut pas non plus trop négliger sa ration en glucides. D'accord. Parce que le fait de ne pas avoir assez de glucides va faire que l'organisme va puiser dans les protéines justement. Donc il faut quand même assurer une réserve glucidique suffisante pour pas qu'il y ait un contre-effet, on va dire. Oui, souvent le sportif qui recherche la prise de masse musculaire va se concentrer uniquement sur les protéines, et parfois à l'excès, on en parlera certainement, oui. Mais il faut vraiment pas négliger l'apport calorique total et l'apport en glucides, qui eux vont permettre aussi une bonne récupération, un entraînement de qualité, et aussi l'hypertrophie musculaire, donc le gain en masse musculaire. D'accord. Oui, désolé, je voulais juste en fait revenir sur les glucides. Je sais qu'au sein du public amateur, ou en tout cas très peu sportif, qui essaie d'associer prise de masse avec le régime, il y a souvent, comme tu l'as dit, une négligence, voire une erreur de totalement laisser de côté les glucides, parce qu'on veut à tout prix ne plus consommer de sucre, etc., quelle que soit la forme que cela prend. Et justement, ça peut en fait induire un effet inverse, donc la rechute et une prise de masse supplémentaire, enfin en tout cas une prise de poids pardon, supplémentaire après qu'on ait arrêté l'effort, quoi. Je sais que ça arrive souvent, en tout cas. Alors c'est toujours pareil, c'est tout dépend de quel type de glucides on va prendre et à quel moment en fait. C'est vraiment une question d'optimisation, mais c'est sûr que c'est pas la bonne solution de complètement supprimer les glucides, ça a pas d'intérêt, au contraire ça sera plus contre-productif qu'autre chose. Après c'est vrai qu'il y en a aussi qui sont pas assez informés et qui font pas attention. Et du coup, ils vont être en mode « Allez, ça y est, je veux prendre de la masse, donc je vais vraiment manger des quantités super importantes de tout. » Du coup, de protéines, de glucides, etc. Et là, bah, forcément, ça va leur faire prendre du poids, mais pas forcément que du muscle. Ouais. Justement, là, on parle des glucides, mais au niveau des protéines, est-ce qu'il y a un moment particulier pour les prendre avant, pendant ou après l'entraînement? Alors oui, justement, il y a ce qui s'appelle, c'est une notion, ça s'appelle la fenêtre métabolique. Mmh. Et en fait, il est préconisé de prendre des protéines moins d'une heure après l'effort. Parce que pareil, c'est là où il y aura la meilleure assimilation. Il y a une synergie en fait qui se fait entre l'exercice physique et la consommation précoce de protéines. Parce que le fait de faire certains exercices de musculation va entraîner, si vous voulez, la synthèse de protéines et de nouvelles cellules musculaires. Mmh. Et si on l'associe justement à une consommation... précoce de protéines, ça va avoir un double effet. Oui, avec la dégradation lors de l'entraînement, on sécrète aussi des hormones. Enfin, pendant l'entraînement, on va diminuer la sécrétion de certaines hormones et dès l'arrêt, le corps, pour récupérer, pour resynthétiser des protéines, va libérer certaines hormones qui vont favoriser ça. Et si on apporte les nutriments à ce moment-là, ça sera plus bénéfique pour la récupération. D'accord. Justement, on commence un petit peu à parler des dangers et des dérives de la prise de masse. On va peut-être commencer pour les dangers pour le grand public, comme je le disais. On voit de plus en plus, peut-être sur les réseaux sociaux, évidemment c'est encore un stéréotype ou une image préfabriquée, des enfants, des fois très musclés, qui prennent de la masse très rapidement. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un âge limite où on doit commencer à prendre de la masse? Alors, pour la prise de masse musculaire, je vois pas d'intérêt à la commencer très tôt, surtout qu'on sait qu'au niveau hormonal, les enfants ne sont pas suffisamment prêts et n'auront pas notamment suffisamment de testostérone avant l'adolescence, etc. Concernant la musculation, un enfant peut pratiquer de la musculation, mais il faudra que le préparateur physique ou l'entraîneur fasse très attention aux charges utilisées, à ce que la technique soit bien maîtrisée et à ce que ça gêne pas du coup la croissance, le bon développement de l'enfant. Là, il faut vraiment s'assurer que l'accompagnement sportif est de qualité pour ça. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre, toujours le grand public là, peut-être pas les enfants, mais est-ce qu'on peut prendre de la masse rapidement, sans forcément avoir des difficultés par la suite? Parce qu'il y en a peut-être qui essaient de prendre de la masse rapidement parce qu'ils sont pas patients, par divers moyens, peut-être on en parlera après pour les compléments alimentaires. Est-ce qu'il y a une méthode miracle? Ça dépend des personnes. Ouais, non, justement, j'ai vu que c'était beaucoup aussi individuel. Vu la variabilité individuelle, il n'y a pas de méthode miracle. Forcément, il y a les principes de base qu'on est en train d'évoquer, mais il faut toujours garder en tête que ces principes-là, ils vont être à adapter ensuite pour chaque personne. Individu. Parce que peut-être qu'il peut avoir des résultats, avoir quelqu'un qui arrive à prendre de la masse rapidement, mais est-ce que ce n'est pas dangereux justement de prendre de la masse rapidement pour son métabolisme? Alors, bah, Déjà, il faut s'assurer que ça soit de la masse musculaire et pas uniquement de la masse graisseuse. Donc ça, avec des professionnels de la nutrition, on peut l'estimer avec des machines ou des techniques. Mais s'il y a une prise vraiment très rapide, en général, c'est pas forcément beaucoup de masse musculaire. Et si c'est de la masse musculaire, c'est que ça n'a pas été fait de façon très saine. C'est-à-dire qu'on sait que dans les salles ou ailleurs, il y a beaucoup de choses qui circulent. On peut avoir une consommation de molécules interdites, voire dangereuses, qui ont entraîné une prise de masse musculaire rapide et pas naturelle et donc du coup pas saine. Oui, Guillaume, tu avais une question. Oui, on parlait de la rapidité justement de la prise de masse. Moi, j'avais une question par rapport à la durée dans une saison sportive en fait. Est-ce que ça se travaille plutôt dans la préparation d'avant-saison pour tout niveau, hein, sportif, professionnel et amateur? Est-ce que ça se travaille dans la pré-saison, pendant la saison ou tout au long de la saison? Est-ce qu'il faut avoir des pauses Alors pour une prise de masse musculaire, déjà on déconseille de faire ça plus de 6 mois par an. Étant donné qu'on va consommer beaucoup de protéines, qu'on va apporter beaucoup d'énergie à son organisme, ça va entraîner aussi de la fatigue psychologique, musculaire, physiologique. Donc pas plus de 6 mois dans l'année. Et de préférence, oui, plutôt à la trêve, à la reprise en général, on en profite là, notamment avec des sportifs de haut niveau, mais pas que. Parce qu'il faut aussi se dire que si le sportif prend 3, 4, 5 kilos, ça va modifier aussi sa technique. C'est-à-dire qu'un handballeur, un footballeur ou n'importe quel autre sport, il y a une dimension technique et le fait d'avoir des muscles un peu plus gros, il va avoir une mobilité différente et une gestuelle différente qu'il va devoir se réapproprier. Donc, de préférence, ça sera à l'intersaison ou à la période dans une période de rééducation pour quelqu'un qui s'est blessé, par exemple. D'accord. Pour revenir un peu au danger, on va parler des compléments alimentaires. Est-ce que tu peux nous donner une définition des compléments alimentaires? Est-ce qu'il y a différents types? Je sais qu'il y a des termes très spéciaux, on en a parlé comme gainer, je prononce bien, oui, ou whey. Whey. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ces compléments alimentaires? Les compléments alimentaires, il faut savoir qu'ils sont apparus dans les années 70, en France plutôt dans les années 80. Et bon, la définition, c'est que c'est une substance qui va présenter un intérêt nutritionnel et ou physiologique. Mmh. Et ce qui est aussi donné dans la définition de base, c'est qu'elle doit se consommer sous la forme de doses réduites. Donc il y a une posologie précise. Ça fait vraiment... Et aussi, dans complément alimentaire, il y a vraiment la notion de complémentation. C'est-à-dire que ça ne se substitue pas à l'alimentation, c'est en plus. Ça aussi, c'est important à savoir. Et donc oui, les compléments alimentaires dont on parle le plus souvent dans tout ce qui est musculation, c'est la fameuse whey et le gainer. En sachant que la whey, en fait, c'est du lactosérum, donc c'est protéine de lait. D'accord. Et la whey, si vous voulez, c'est plutôt de la protéine pure. Vous allez avoir entre 80 et 96% de prot pure là-dedans. Alors que le gainer, ça va être des protéines qui vont être associées à des glucides. Donc ça va pas être utilisé par les mêmes personnes ni pour les mêmes objectifs, on va dire. D'accord, justement, ce public qui utilise des compléments alimentaires, est-ce que tout le monde peut en prendre des compléments alimentaires? On parle depuis tout à l'heure de quelque chose de très personnel, une posologie aussi personnelle. Est-ce que juste une personne comme moi-même, par exemple, je pourrais en prendre sans avoir des dangers? Alors, si vous n'avez pas des problèmes de santé particuliers ou bien des allergies, à partir du moment où vous respectez la posologie, il n'y a pas de contre-indication formelle. Est-ce que j'ai un intérêt à en prendre? Si par exemple ça, je trempe pas la masse. Très bonne question. T'es déjà un sportif de haut niveau. En fait, comme l'a dit Coraline, dans la définition, ça doit vraiment venir complémenter l'alimentation. Et souvent, les consommateurs, sur conseil d'un tel ou un tel, vont le faire sans savoir vraiment ce qu'ils apportent déjà par leur alimentation. Donc si par votre alimentation, vous apportez déjà suffisamment de protéines de bonne qualité, par exemple, puisqu'on parle de compléments de protéinés, ça aura aucun intérêt de rajouter un complément protéiné là-dessus. Par contre, si dans votre alimentation, c'est difficile pour vous d'apporter des protéines, notamment après l'entraînement, comme on l'a dit, à ce moment-là, là, il peut avoir sa place, mais c'est toujours plus intéressant de demander un conseil avisé plutôt que de suivre le conseil de votre camarade d'entraînement, pour qui, lui, ça marche bien, mais il n'a pas tellement de critères pour le juger non plus, et chaque personne est différente. C'est quand même quelque chose de très spécifique à chacun, et pourtant, les compléments alimentaires sont commercialisés assez simplement. Comment vous l'expliquez ça, que quelque chose qui peut être dangereux s'il est mal utilisé soit commercialisé comme ça? Bah déjà au niveau de la réglementation, il n'y a rien de très strict ou de très précis. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une mise en garde à faire là-dessus. Et qu'il faut être très attentif justement quand on achète ce genre de produits et de la façon dont on va les consommer. Et aussi bah, souvent les gens, on va dire, ils cherchent un peu la solution miracle. Donc ça y est, ils entendent parler de ce complément alimentaire là, ils sont dans une salle de sport, ils ont un tel qui leur dit « Ah tu vois, moi je prends ça, ça marche ». Bon bah forcément ils vont se ruer dessus sans forcément trop se poser de questions. Et à partir du moment où ça marche, bah, c'est commercialisé forcément. Oui d'accord. Et c'est quoi donc du coup les plus grands dangers de ces compléments alimentaires? Est-ce que c'est la surconsommation du coup de l'athlète? Je dirais surconsommation, oui, parce que justement il y en a quand même beaucoup qui vont pas forcément respecter la posologie. Ce qui est important de savoir au niveau de la consommation de protéines, c'est qu'il n'y a pas de relation linéaire entre la quantité de protéines qu'on va prendre et la prise de masse qu'on va prendre. Donc vraiment c'est pas plus je vais prendre de protéines, plus je vais prendre en muscle. À partir du moment où il y a un certain palier, ça ne sert plus à rien d'en prendre parce que ce que vous allez prendre en protéines qui sera en excès, ça va être éliminé. Donc le fait d'avoir justement une surconsommation de compléments alimentaires, c'est complètement inutile et ça peut avoir des effets délétères sur la santé, notamment au niveau des reins. Ça peut provoquer aussi une acidose au niveau de l'organisme et cette acidose-là, elle peut entraîner une altération au niveau des os. Parce que les os vont libérer justement des composés qui vont avoir un rôle tampon sur l'acidité. Et il va y avoir une résorption osseuse. Donc à terme, ça peut aussi augmenter le risque de blessure, de fracture ou autre. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Numéro 1, en effet. Du coup, moi j'avais une question par rapport aux compléments alimentaires et tout ce dont on parle là. C'est quoi la pratique un peu chez les sportifs de haut niveau? Est-ce qu'il y en a qui en prennent? Est-ce que ceux qui en prennent, ça cible une catégorie particulière de sport? Je sais pas, moi j'ai l'impression que ces compléments de sport, ces compléments alimentaires sont surtout pris pour ceux qui font de la pure musculation, qui squattent pas mal les salles de fitness, de sport, et je sais pas, les athlètes ou ceux qui sont dans les sports co, j'ai l'impression qu'ils privilégient plus l'alimentation pure et simple. Et non, pas forcément. L'IAAF avait fait une étude, par exemple, en 2014, je crois, et sur les athlètes élites, donc que des sportifs de haut niveau, et ils étaient 85% à consommer des compléments alimentaires. D'accord, tous les okay, jours. Ouais, tout compris, hein, pas que les protéines, mais aussi les vitamines, les oméga 3, etc. En rugby aussi, notamment, par exemple, il y a beaucoup de consommation. Qui arrivait principalement avec les Australiens, les Sud-Africains, les Néo-Zélandais, principalement en protéines, mais pas que. Donc dans les sports collectifs, on en retrouve aussi pas mal. Malheureusement, même là, c'est pas toujours bien accompagné, puisque un sportif à haut niveau, d'autant plus avec un gabarit important, peut avoir des besoins particuliers difficiles à couvrir par l'alimentation, mais pas forcément. J'ai suivi pas mal de sportifs à niveau international qui n'avaient pas besoin de compléments alimentaires. Donc ça dépend vraiment de chacun, de ses habitudes, de ses goûts aussi, parce que plus le sportif est difficile, plus ça va être difficile de couvrir son alimentation par l'alimentation classique, on va dire, et de ses besoins en fonction de la période, de son objectif, etc. D'accord. Et on parle souvent, alors moi je suis aussi novice dans cette prise de masse, on parle souvent du mythe de la créatine. Qu'est-ce que c'est par rapport à... Est-ce que c'est aussi un complément alimentaire? Est-ce que c'est... On en a parlé peut-être interdit en France maintenant ou pas du tout? Non, oui, il y a eu beaucoup d'histoires autour de la créatine. La créatine, en fait, on en consomme tous les jours par notre alimentation, à partir du moment où on consomme de la viande et des produits animaliers. L'organisme en a besoin, même si il y a des processus aussi d'utilisation à partir de ce qu'on va lui fournir par l'alimentation. Ça n'a jamais été une substance dopante. Ça a été utilisé principalement, par contre, on le suspecte pour cacher certaines autres molécules dopantes. C'est pour ça que ça a fait pas mal d'histoires à un moment. Notamment, on a vu dans le football en Italie ou des choses comme ça. Je pense que ça vous parle. C'est utilisé aussi pour gagner en volume musculaire. Donc, on parlait de la prise de masse musculaire avec la créatine. On va avoir une augmentation du volume musculaire, on va aussi avoir une petite augmentation de la rétention d'eau, etc. Donc ça peut être utile, c'est principalement utile en fait pour les efforts de grande intensité et très courts. Là, il y a un intérêt prouvé scientifiquement. Par contre, on peut couvrir les besoins par l'alimentation, sauf encore une fois dans certains cas, où là on peut complémenter, mais là encore les besoins sont très faibles, hein, on parle de 1 à 2 grammes par jour, parfois 3, donc le sportif qui va consommer 5-10 grammes par jour ou plus au quotidien, il va être largement au-delà de ses besoins. On va peut-être passer à notre conclusion, sinon on n'aura pas le temps de terminer. On parle donc de la prise de masse depuis tout à l'heure, mais à l'inverse, la réduction de la masse, comment ça se passe? Moi, je pense peut-être à certains sportifs, peut-être la Formule 1 ou peut-être les boxeurs qui doivent réduire la masse musculaire, la masse graisseuse évidemment aussi, pour rentrer dans certaines catégories. Comment on fait pour au contraire réduire la masse assez rapidement? Est-ce que c'est pas dangereux également aussi? Ah bah, c'est clair que des fois, bah, justement, les sportifs de haut niveau, dans certains domaines, ils vont être amenés à perdre très rapidement pas mal de kilos. Et bon, ils ont recours à des méthodes qui sont pas forcément bonnes pour la santé. Non plus. Oui, là, quand on est sur une perte très très rapide, forcément, l'organisme va subir un grand stress. Mmh. Donc, c'est effectivement ce que font dans les sports à catégorie de poids quasiment tous les pratiquants. Hein. Ils s'entraînent au moins 2 ou 3 kilos au-dessus de leur poids de compétition et ils perdent ce poids-là. Il y en a qui, par contre, s'entraînent 5, 6, 7 kilos. Là, ça commence à faire des quantités de poids importantes à perdre sur les derniers jours, voire les dernières semaines. Donc effectivement, ils se soumettent des régimes très stricts jusqu'à aussi jouer sur la quantité d'hydratation, sur la quantité d'eau, et à limiter les apports en eau, à essayer de transpirer au maximum sur les 2 derniers jours pour atteindre ce poids, parce qu'ils entraînent vraiment leur corps dans des restrictions extrêmes. Donc là, effectivement, il y a une perte de masse musculaire, il y a une perte de masse graisseuse aussi, mais surtout de masse musculaire quand elle est fulgurante, et qui peut se ressentir pendant la compétition avec une perte de tonus musculaire, une perte de forme, moins d'énergie sur le moment. Ouais, j'ai vu une vidéo à ce propos d'un boxeur, il me semble amateur, qui a testé des... Enfin, qui a voulu perdre 4 ou 5 kilos avec de la sudation, et il est tombé dans les pommes dans son combat. Oui, ils sont habitués à tomber dans les pommes. Il y a eu des essais aussi. Hein. À la fin des années 90, au début des années 2000, dans une université américaine, c'était des lutteurs. En une année, il y a eu 3 décès quand même. Parce que l'entraîneur leur faisait faire du vélo en KOE dans le sauna, par exemple. Oui, c'était donc là, on est sur une hyperthermie maligne d'effort. C'est-à-dire que le corps ne peut plus évacuer la transpiration, c'est ce qui nous sert à évacuer la chaleur corporelle et ne peut plus diminuer la température corporelle. Et au-delà de 42 degrés, en général, c'est compliqué et ça peut entraîner la mort. Notre dernière question, on repasse sur les compléments alimentaires. Est-ce que on peut considérer que le complément alimentaire, c'est une drogue pour certains? C'est peut-être là le plus grand danger, non? Une drogue, bah... Un peu dans le sens où, oui, certains vont se sentir obligés d'en consommer pour leur recherche de résultats, en fait. Après, ça n'induit pas vraiment une dépendance par les composés qu'il y a dedans. C'est juste un cercle vicieux. C'est pas une drogue dans le sens où il n'y a pas de dépendance physiologique, comme avec une drogue. Par contre, une dépendance psychologique, ça peut arriver. C'est-à-dire que le sportif voit ça un peu comme une molécule magique qui va vraiment lui apporter un plus. Et ça peut être dangereux dans l'obsession et l'addiction, effectivement. Ça sera pas comme avec une drogue dure, mais on peut avoir des comportements à risque à cause de ça, tout à fait. D'accord. Donc notre conclusion, c'est que les compléments alimentaires utilisés à bon escient peuvent être utilisés justement, mais chacun a son dosage, sa posologie, et il faudra faire attention au niveau de ça. Je sais qu'il y a des grands sportifs, mais je ne sais pas s'ils prennent des compléments alimentaires derrière moi. Attention à ce qu'on consomme et où est-ce qu'on s'approvisionne aussi, bien sûr. Après, ça, c'est un sujet très large, mais c'est important aussi. Je vous remercie donc Thomas, Coraline et Lauriane d'être venus ce soir pour parler d'un sujet très précis mais très intéressant comme toujours, et remerciements avec le Krebs aussi de nous ramener à la fois des champions mais aussi des experts de leur domaine. Bonne continuation à vous trois, et puis quant à nous, on passe à notre deuxième pause musicale qui est Gimme the Funk. Gimme the Funk. Dis-moi. Mais je te laisse avec ton accent anglais. Gimme the Funk, allez, à tout de suite sur Sport & Chill. We'll be right back. Funk, voici vraiment le vrai titre avec de chemise. Hein. Tu as pas dit le nom de l'artiste, c'est chemise. D'accord. Non, en fait, moi, j'ai fait. Oui, bah, je sais, mais j'ai fait l'impression et bien sûr, c'est sur le. Il y a un petit problème sur le titre, mais. Pardon, mais c'est non, bon. non, je confonds, c'est Charles. Oh là chemise, là là. C'est Chic and Love You. Exactement, chemise, c'est Chic and Love You. Allez, la chanson française. On passe tout de suite à quelque chose que vous attendez aussi avant le quiz. C'est le duel. Oh bordel. Ce soir, deux guerriers face à face, deux anciens de Sport & Chill, deux historiques. On s'est déjà affrontés d'ailleurs. Des vétérans. Entre ouais. Tim et Romain. D'expérience en parlant. Voilà. Entre l'Olympique Lyonnais et le Real Madrid. Je sais qu'il y a eu des beaux chocs entre ouais, les deux. Sachez que je suis du Real, donc. Je t'entends, quoi. Mais c'est sur un sujet tennis ce soir. Mais que oui. Nous allons parler. Et c'est sur, j'allais dire la diététique du sport, je me suis trompé sur mon conducteur. C'est sur qui Novak... a pris le plus de compléments alimentaires entre Roger et Djokovic. Je vous ai laissé poser des questions et réagir, donc ça peut être pour une occasion, mais ce sera ouais. Non préparé. C'est sur Novak Djokovic, est-ce qu'il est le plus grand tennisman le plus grand. Oula, attention. Attention, est-ce qu'il est le tennisman le plus polyvalent de l'histoire. Voici notre question. C'est tout à fait différent. Est-ce qu'il y a eu... un accord entre les deux pour celui qui commence. Bah normalement celui qui commence c'est celui qui dit oui hein. Ah oui c'est vrai, en effet. Comme moi je dans les choix, je serai en réponse à Romain. Et donc Romain, tu commences. En toute improvisation, c'est parti, je suis le premier à démarrer. Alors Novak Djokovic. Novak Djokovic, le plus polyvalent et le plus complet de l'histoire, oui moi je pense que c'est le cas. Je trouve d'ailleurs ce sujet proposé par Tim tout à fait pertinent. Parce qu'on met souvent Djokovic, comment dire, au second plan, c'est-à-dire qu'on le voit toujours en retrait par rapport à des Roger ou des Rafa Nadal, peut-être pour certaines raisons, fort logiquement. Mais Novak Djokovic, pour moi, c'est le joueur le plus polyvalent. Il est certes pas spécialiste d'une surface en particulier, je sais que tu risques de me le dire, mais ce qui fait sa force justement, c'est son caractère complet. Il a un palmarès sans commune mesure de ce côté-là. On sait que depuis peu, il est maintenant vainqueur de l'ensemble des Master 1000 qui font partie du calendrier. 32 en tout victoires dans des Masters 1000, 5 Masters, 14 tournois du Grand Chelem, donc pas si loin finalement des Rafa et Roger Federer. En Masters 1000, c'est le second recordman juste derrière Rafa Nadal, justement. Il a aussi remporté la Coupe Davis, donc comme les grands champions, il est allé chercher cette récompense de premier plan. La médaille olympique aussi, il lui manque finalement dans l'ère open comme grande victoire, seulement l'or olympique, et on sait qu'en tennis c'est loin d'être la récompense la plus importante. Et donc il a un palmarès incroyable, il a été 4 fois numéro 1 mondial, et puis aussi c'est sur le type de joueur que c'est, pour terminer là-dessus, effectivement, il a un équilibre attaque-défense incroyable, on sait que c'est l'un, si ce n'est pour moi, le meilleur retourneur de service du circuit et pas loin d'être de l'histoire de ce côté-là. Il a une couverture de terrain sans commune mesure, il avait fait de déplacements rapides, une forte condition physique. Il est d'ailleurs remarqué pour son physique assez exceptionnel. Et effectivement, c'est un joueur qui donne beaucoup de rythme à l'échange et qui a peu de failles, que ce soit en coup droit ou en revers. Son revers est d'ailleurs assez admirable. Et pour moi, pour toutes ces raisons, tant d'un point de vue technique qu'au vu de son palmarès, sur la polyvalence, sur un meilleur joueur de l'histoire peut-être, mais sur la polyvalence, on n'a pas mieux. Allez, ça fait 2 minutes et 5 secondes. On sera complaisant avec toi, Tim. En effet, Tim, à ton tour. Alors pour te répondre, Djokovic est un joueur polyvalent, mais est-ce qu'il est le joueur le plus polyvalent de l'histoire? Moi je répondrai non mais. Non mais pourquoi? Parce que je mets un joueur devant, je mets Roger Federer, qui pour moi, durant sa phase période qui est établi entre 2003 et 2009, qui peut être comparé à la période faste de Djokovic entre 2011 et 2015, il a plus prouvé et plus marqué l'histoire du tennis sur les différentes surfaces. Alors Djokovic, j'aimerais pointer un point qui est un élément qui est un peu surcoté, c'est qu'il n'est pas si à l'aise que ça sur terre battue. Et alors la seule différence par rapport à Roger Federer, c'est qu'il a gagné tous les Masters 1000, c'est le seul joueur à l'avoir fait, ça je suis d'accord. Il a gagné des Masters 1000 que Roger n'a pas gagné, à savoir Rome et Monte Carlo. Il ne pourra sans doute désormais jamais gagner. Si on ne... Merci. Hein. Mais en fait, vraiment, la différence pour moi s'établit dans le fait que tu l'as dit, par exemple, la médaille olympique, c'est pas un titre si important que ça pour un tennisman. Là où on juge vraiment la carrière d'un joueur en tennis, c'est sur les grands chelems. Et incontestablement, Roger Federer a été maître de quasiment toutes les surfaces. Le seul obstacle qu'il a rencontré, finalement, c'est Rafael Nadal. Il a quand même fait 5 finales de Roland Garros. On a tendance un peu à l'oublier. Et ensuite, sur son palmarès, il n'y a rien à dire. Il y a 8 Wimbledon, il y a 6 Australian Open, 5 US Open. Et entre 2003 et 2009, pour vous donner un peu les stats, il est deux fois proche de faire le Grand Chelem. Alors que Roger, pour expliquer vite fait, le Grand Chelem, c'est gagner tous les tournois en une saison et pas en une année civile, en 2006 et 2007, secondes. Alors que Djokovic ne l'a fait qu'une fois. Et plusieurs fois, sur 4 années consécutives, il gagne 3 grands chelems sur 4. Finalement, il n'y a que sur terre battue où il est un peu peiné, mais juste parce qu'il a rencontré Rafael Nadal qui a su le maîtriser. Et je le nomme parce que pour moi, Djokovic n'a que 31 ans, donc je pense qu'il peut encore, remporter les tournois. Surtout que Rafa commence à peser physiquement et je vois. Djokovic peut vraiment s'imposer sur terre battue. Pour moi, c'est le seul élément qui lui manque vraiment pour être un joueur vraiment très polyvalent et arriver à la cheville de Roger. 2 minutes 05 également. C'est très propre de régularité entre les deux. Est-ce que vous me laissez commencer les deux autres? Mais c'est toi le chef ici. Hein. C'est toi qui décide. Hein. Merci messieurs. Moi aussi, je pense que Novak Djokovic est l'un peut-être des plus polyvalents sur l'histoire du tennis, mais pour moi ça ne l'est pas, puisque je vais peut-être encore aller plus loin que Tim. Il y a Roger Federer, pour les mêmes raisons que Tim, qui s'est heurté à quelqu'un qui s'appelle Rafael Nadal et qui est le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue, tout simplement. Pour contrebalancer tout de même, pour Romain, Novak Djokovic a quand même battu plusieurs fois Rafael Nadal sur des Master 1000 sur terre battue. Tout de même, il faut le préciser, ce que Roger n'a pas fait. Cependant, pour moi, il y a aussi Björn Borg qui pourrait être devant, puisqu'il est plus polyvalent aussi. Alors, on parle palmarès, je trouve, dans ce duel. C'est normal, parce que le tennis aussi, hein, c'est par le stats. Oui, le problème, c'est que bon, le palmarès à l'Australian Open, du côté Björn Borg, ça venait de commencer, donc on ne peut pas forcément parler de palmarès là-bas. Moi aussi, je pourrait peut-être parler un peu plus de la polyvalence du jeu. Roger Federer et Björn Borg, c'était peut-être ceux qui osaient aller au filet, contrairement à Novak Djokovic et peut-être Rafael Nadal, qui sont quand même largement moins fans de cet exercice. Roger Federer, c'est quand même peut-être pas la plus grosse polyvalence de la surface, même si je pense qu'au niveau du latter battu, il aurait pu faire beaucoup mieux, mais c'est pour sûr la plus grande polyvalence au niveau du jeu. C'est sûr qu'il y a des coups que Roger Federer peut faire que Djokovic fait beaucoup moins bien, et l'inverse, à part le revers peut-être de défense que Djokovic fait très bien grâce à son appui, dont il est le seul à pouvoir le faire au vu de sa souplesse, j'en vois pas. Même le revers volé, je veux dire, il y a des choses que Federer peut Djokovic est un très mauvais volleyeur, par exemple. Et c'est un très mauvais smasher pour son niveau. Djokovic, c'est peut-être l'un des plus mauvais smashers du circuit. Voilà. Yacine ou Guillaume, puis après ça sera la réponse des... Oui, moi je serais plutôt d'accord en fait avec Tim, le nom mais. Parce que oui, belle parade quand même. Hein. Non, après je prends volontiers les arguments de Romain, hein, sur sa défense, etc., de fond de court, tout ce qu'on veut, totalement d'accord. Après, à ceci près qu'il ne monte pas suffisamment au filet, il a pas un jeu aussi étayé que certains grands tennismen qui l'ont précédé. Après, le nommer pourquoi, il faut pas oublier que la compétitivité du circuit durant ces années fastes était quand même bien plus relevé que certaines décennies où certains avaient une hégémonie, où il y avait juste un seul concurrent. Là, pour le coup, il y en avait trois ou quatre. Et encore, Del Potro était blessé, et Del Potro, dans ses grandes heures, était difficilement jouable aussi. Donc, et comme tu le disais, il a que 31 ans. 32 Master 1000, déjà 6 Austrains, Roland Garros, 4 Wimbledon. Ouais, bon, il a encore le temps de voir venir. Donc, Guillaume, quoi, pour le dernier avis. C'est moi qui tranche. Bah c'est au moins un avis. Je sais pas si c'est moi qui tranche, puisque c'est toi qui tranche, puisque moi je suis plus de l'avis de Tim du coup. Ah. Puisque il y en a même pas qu'un devant, c'est deux pour moi. Non, enfin, je serais plutôt d'avis de Tim, mais très très courte tête. Et puis en plus tu l'as interrompu, Romain. Et ça c'est pas bien. Non non, mais voilà, y a pas vraiment de perdant. Les arguments sont valables des deux côtés. Pour moi c'est vrai que Roger Federer et le nec plus ultra du tennis. Il y aura jamais mieux, il y aura pas mieux. Enfin, c'est le goat, quoi. C'est, voilà, ouais, c'est l'élégance, c'est tout, c'est le palmarès, c'est la révolution du tennis quand même. Faut le dire. Faites gaffe, il y a le quiz ensuite. Ou le coercif. Ouh là là, y a. Après, voilà, il faut pas se limiter à la vision du tennis 21e siècle. J'ai envie de dire. On a trois monstres, pour moi il n'y en a pas quatre, Murray n'est pas à leur niveau. Il y a trois monstres qui faussent un peu la vision du tennis qu'on a, mais il faut pas oublier qu'il y a 30 ans, c'était peut-être pas aussi fort, mais il y avait une plus grande densité de top joueurs, avec Vilander, McEnroe, Connors, Borg, Lendl, tous ces joueurs-là, qui fait que peut-être dans les stats, un joueur comme tu as cité, Björn Borg, bah, il n'a pas dit grand chelem. Parce qu'il y avait un autre niveau. Ouais, mais ça se défend, qu'il y a une plus grande rivalité. Pareil pour Agassi, hein, il n'a pas eu non plus. Voilà, Agassi, clubs, mais... Agassi ouais. A gagné les 4. Ouais. Borg en a 11, voilà. Donc bon, oui, 11, mais voilà, il est dépassé. J'inclus pas Sampras, parce que lui, c'était vraiment surface rapide. Ouais, parce que 14 ans, c'était un Roland Garros, il n'a jamais rien fait. Mais aussi, dans l'analyse, j'ai oublié, par rapport à Roger Federer, il est tombé sur un ultra monstre, mais il fait quand même 4 finales à Roland-Garros. 5 finales. 5 ? Oui, il fait 4 finales perdues. Voilà. Djokovic n'y est pas encore. Hein. 4 finales pour Djoko. Voilà. 3 perdues. Il y a aussi une durée dans le de carrière. On va continuer pour juste la donner la parole une minute aux deux duellistes protagonistes. Deux protagonistes, parce que sinon on n'aura pas le temps de faire le quiz entièrement. Donc Romain, je t'en prie pour ta mini défense. Oui, je vais démarrer, puis comme ça je laisserai à l'expert tennis terminer. Non, moi justement j'ai été très attentif à ce que vous dites, et notamment à ce qu'on dit de joueurs du 21e siècle, je trouvais ça intéressant. Pour moi, finalement, Djokovic, par le palmarès, c'est parce que le tennis est aussi un sport de stats, comme le disait Tim, c'est le plus polyvalent par le palmarès, voilà, si on allait au-delà de la question. Par contre, par le jeu, pas nécessairement. Et je pense que de fait, de ce côté-là, la question, quand on suit un petit peu le tennis de près, volontairement général. Voilà, et volontairement général, et explique assez logiquement ces deux avis-là et les deux dimensions, je pense, qui sont intéressantes à notifier pour Djokovic. Après, effectivement, l'avantage qu'a Djokovic, c'est son âge, 31 ans, et le fait qu'on le pensait mort pour le tennis, ou pas loin, j'exagère peut-être, il y a peu, et qu'il revient vraiment en haut de l'affiche, et de nouveau, de l'avis même des autres joueurs. Quasi aussi fort que ce qu'il a été à un moment fort de sa carrière. 2011-2015. Et donc, il y a tout à fait à espérer pour lui. Est-ce qu'il arrivera à se renouveler dans le jeu de comme Roger victoire. Après, alors, à savoir si avec l'âge, il sera capable de se renouveler dans le jeu. Et puis, juste, vous avez fait effectivement une critique sur le jeu de fond de cours, etc. Mais est-ce que, justement, pour être le plus polyvalent par le palmarès, il ne fallait pas jouer comme ça, avec les qualités d'un tennisman du 21e siècle qu'a su réaliser Djokovic à la perfection, pour le coup? Et Tim, pour terminer, très rapidement. Djokovic, là où il est plus fort que tout le monde, c'est sur la défense. Si la cadence s'accélère, ça lui pose pas de problème. C'est pour ça qu'il a pas de problème à jouer contre des joueurs de fond de court et des joueurs qui tapent très fort. Djokovic, surtout, il a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il a une stat qu'aucun autre joueur n'a, c'est qu'il a un ratio positif face à Roger Federer et Rafael Nadal. Donc ça, déjà, il peut, quand il aura terminé sa carrière, s'il arrive à maintenir ce ratio-là, il pourra être très fier de lui, parce qu'on n'est pas loin d'avoir les peut-être les deux des trois plus grand tennisman de l'histoire. Enfin, j'inclus pas Djokovic, hein. Je parle de Roger et Rafa, parce que je mets encore pour l'instant Pete Sampras au-dessus de Djokovic personnellement. Mais Mais surtout, ouais, il a que 31 ans. Et moi, ce que je vois, c'est que la compétitivité du tennis, elle est pas si forte que ça, finalement. Si on regarde le top 10, il y a 7 joueurs qui ont plus de 30 ans. Donc, je pense que Djokovic peut encore régner en patron. Il a 31 ans, alors je veux dire, deux ans, je vois pas forcément jouer, enfin c'est même sûr, je vois pas jouer jusqu'à 37 ans parce qu'il a un jeu qui demande énormément de souplesse, mais s'il fait encore 2-3 ans de haut niveau, il peut encore glaner 4-5 grands chelems, ça paraît pas insurmontable. S'il arrive à 18, ça serait déjà beau, quoi. Très bien, on termine là-dessus et cette victoire de Tim pour ce soir dans ce duel tennis. On passe tout de suite à l'heure de gloire de Romain, c'est le quiz. Sport and chill, le quiz. Désolé de couper court comme ça, mais on va être largement en retard sinon. Et c'est le moment quiz, et cette fois-ci, il est préparé par Romain. Donc je me tiens prêt parce que je joue avec vous. Tu es participant pour la première fois de la saison 4, donc c'est quand même important. Si je gagne, tu seras à 100%. Donc, ouais. Encore faut-il gagner. Encore faut-il gagner. Nous jouons en individuel, hein, nous sommes bien d'accord. En simple, du coup, pour enchaîner sur le tennis. Avec donc Flo, Guillaume, Yacine et Tim ce soir. Première question, et on va démarrer, les gars, par une question football, et ce sera un tour de table. Qui me fait un peu mal d'ailleurs, vous allez vite comprendre. Le Real Madrid est à la dérive en ce début de championnat, seulement 7e à 4 points de la tête et du Barça. Et ils ont battu des records dont ils se seraient passés ce week-end, notamment un. Ils sont restés muets pendant un nombre assez impressionnant de minutes, voire peut-être d'heures, c'est à vous de me dire. Jusqu'à un but inutile finalement de Marcelo à la 72e minute contre Levante, défaite 2-1 on le rappelle. Mais au fait, donc, pendant combien de temps le Real est resté muet devant le but lors des dernières journées? Et on démarre. Est-ce qu'on te donne oui, cet honneur? Allez, à Flo. Je vais commencer, du coup. Donc, en heure et minute. En heure et minute. Pas en minute, tout simplement. En heure et minute. Ah, parce que... Oh, d'accord. Ah, faut que je fasse le calcul. Ouais, faut que je fasse le calcul, moi aussi. Ah, ta réponse, minutes, c'est en heure et minute. Ouais. Ma réponse, okay, donc, faut que je calcule en heure, désolé. Pensez qu'un match est une heure et demie, hein, pour ceux qui n'auraient pas une stat en minutes qui leur viennent. Je vais dire 5h50. 5h50. Guillaume, Là, je l'ai pas du tout. En heure, là, un peu moins de 10, 549, 488, donc c'est 8h15. 8h15. Tim. Moi, la réponse, je pense que je l'ai exactement, c'est 481 minutes, du coup, ça fait 8,016 heures. Ok. Ouais, voilà, ouais. Ouais. 8 heures et quelques, quoi. Et pour toi, Yacine? Je vais dire 7h. Ah ouais, je suis loin. 7h40. 7h40. C'est vraiment nul, le Real. Hein. Ouais, t'en sais. Méfie-toi, Flo. En tout cas, tu n'as pas la bonne réponse pour ce soir, et le plus proche, bah, c'est Yacine. Sachant que c'était 7h45, d'après ma stat marque. Hein, après, mais parce que moi, la stat, je l'ai en minutes, j'ai vu, c'est 481 pile. 481, tu en es certain? Ouais, ah, 0,5 et demi, quasiment. Ouais, 0,5 ouais. Et Marcelo, il marque à la 71e. Soit à peu près le nombre de minutes d'un monologue de Romain après le cyclisme. Ouais, c'est pour ça que je suis surpris de ne pas avoir la bonne réponse. À vérifier, que... ouais. J'ai peut-être pas la bonne stat. On verra. Moi, j'avais 95. Donc, allez, on continue. Deuxième question, et on reste football et Liga pour le moment. Ce week-end aura lieu le Classico Camp Nou. Et depuis quelle année on sait qu'on n'aura ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo? Depuis quelle année, tour de table, peut-être ne donnez pas automatiquement la réponse à vos adversaires, mais peut-être qu'on va démarrer du coup par Yacine malgré tout. Je vais dire 2007. 2007, nous n'avons pas eu donc les deux joueurs lors du Classico. 2007, Junior, pour ça. Ah non. Attends, la question c'est depuis combien de, depuis quel match on a depuis eu depuis quand un classico sans quelle aucun des deux? Ah, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un classico avec l'un des deux? Non plus. Sans aucun. Ah, d'accord, là, okay, d'accord. 2008 pour Tim. Pour Guillaume. 2007 et pour Flo. Je suis en 2007. 2007 et vous avez tous les trois la bonne réponse, messieurs, le 23 décembre 2007 pour être précis, donc pas si loin de 2007. Messi était blessé, je crois qu'il était claqué. Ou... Ouais. Le Real s'était imposé au Camp Nou 1-0, et ni Messi, déchirant musculaire, ni Ronaldo encore à Manchester United n'avaient encore joué. Troisième question, et on reste sur du football. Avec un match dont on a parlé, le derby de la Madonnina. C'est Inter Milan, Milan AC. Icardi. Et c'est une question de rapidité. Putain. Mais attention, c'est éliminatoire si on va trop vite. Un classique donc, du football italien et européen. Donc si l'Inter l'a emporté assez logiquement hier soir, nous avons eu l'un des matchs les plus importants de l'histoire entre ces deux équipes, qui était sans doute, pour moi en tout cas, la demi-finale retour de la Ligue des Champions le 13 mai 2003. Elle s'était soldée par un score de 1 partout, qualifiant le Milan AC 0-0 au match aller. Quels étaient les deux buteurs côté milanais et interiste? Crespo. On n'est pas bon. Ouais. Stankovic. Non plus. Inzaghi. Non plus. Shevchenko. Shevchenko. C'est donné pour Yacine cette question. Ouais. Je suis désolé. Un point pour Yacine. C'est et du coup, il nous, manque le buteur, il nous manque le buteur interiste. Non. Vérone. Zambrotta. Obafemi Martins. Allez. Oh putain, il fallait le chier celui-là. Ah ouais, n'oublie pas les matchs de légende. Je suis désolé. C'était sur son club aussi. Je suis désolé. Mais il retient bien, c'est quand même bon. Vas-y, une question on sur passe Liverpool. Au rugby. Question sur Lens. Le Stade Toulousain a réalisé, vous le savez, un véritable exploit en l'emportant dans un match incroyable 28-27 face au Leinster. Le Stade est un cadre européen des années 2000 et reste à ce jour le club français le plus titré en Europe et sur la scène nationale. De fait, si l'on cumule les victoires en championnat de France et en Europe, combien de titres pour le Stade Toulousain? Tour de table et on démarre par... tiens, Guillaume, il voulait parler par ici. 21 pour Guillaume. Attends, depuis quelle année? Depuis toujours. Ah, depuis toujours, d'accord. Donc, top 14 et ancienne version, tous les championnats de France. Et donc, du coup, la Coupe d'Europe, par ses divers noms, peu importe. Je veux dire 18, moi. 18. Ah, moi, je... J'allais dire exactement 21, comme Guillaume. Ouais. Bah, moi aussi, parce que je pensais à 18 championnats de France et 3 World Cup. Et du coup, le problème, c'est que là, on n'a pas de réponse exacte. Mais 21. Bon, on a des plus proches, avec 21, malgré tout. Presse 22. Sachant que c'est 23. Il y a 19 titres de championnat. Ah, j'étais persuadé. Il y a 4 titres de championnat. J'étais persuadé que c'était 17 et, ouais, et 4. 17 et 4. Ouais. Pas loin, moi, avec mes 18. Pour le moment, Yacine est en tête hein, avec 5 points. 2 pour Guillaume, 2 pour Flo. Et Team 0, mais à vérifier avec 2 points sur le Milan. 2 points sur le Milan, quoi. Les deux buteurs, c'est pour compenser ma tristesse d'hier, messieurs. Les deux buteurs, messieurs. Et on passe à une question un petit peu compliquée pour vous, peut-être. Enfin, pas pour tout le monde. NBA, Team, j'attends que tu te refasses. C'est un qui suis-je? Je suis un joueur de basket. Né le 29 octobre 1992. Je suis français. Je peux évoluer au poste d'arrière et d'ailier. Ah putain, j'allais dire. Mes deux parents sont des judokas de haut niveau qui se sont connus à l'INSEP. Je démarre en Pro A au sein du club de Poitiers. Je suis choisi pour la première fois dans le 5 idéal de Pro A en janvier 2012. De Colo. Je rejoins non plus la NBA en 20e position à la draft en 2012. Choisi par la franchise en tête à l'ouest actuellement, les Nuggets de Denver. Ah non. Je joue actuellement au Orlando. Ah putain, je au Magic d'Orlando. Je l'ai, attends, dis rien. J'ai réalisé hier soir une très belle performance, hauteur de 31 points malgré la défaite contre Philadelphie. Je sais qui c'est. Je joue en équipe de France. Fournier. Evan Fournier, c'est ça. Evan Fournier, c'est pour Yacine. Ah putain, je l'avais. Ah, Yacine commence à caracoler en tête, messieurs. Chier, j'oublie, j'avais oublié ça. Ouais, mais les questions basket aussi pour Yacine. Eh oui, ouais, les questions basket. Questions basket sur son favori. Question 6. MotoGP. Sur Marc Marquez, bien sûr. Et tour de table. Marc Marquez est devenu ce week-end pour la 5e fois champion du monde de MotoGP. Mais combien de grands prix de MotoGP a-t-il remporté à ce jour dans sa carrière? Dans sa carrière. MotoGP, hein, pas les autres catégories. Tour de table et on démarre par Yacine qui est en tête. J'ai peur de dire une énormité quand même. Mais pas mal étant amateur, ne suivant pas fréquemment les performances de Marc Marquez. Ouais, commence pas à prendre du temps là. Je vais dire 68. 68. À team. 55. 55. Guillaume. 39. 39. Moi en dessous, 38 du coup. 38. Oh là là, c'est petit. Point... J'allais dire 37 à vrai dire. Point pour Guillaume. Parce que c'est 43 victoires. Si peu pour... Et 69 si on met les autres catégories dont il a fait partie. Si peu pour autant de titres. Ouais, et c'est malgré tout déjà un des plus beaux palmarès de la MotoGP. Tu m'étonnes. Et on passe à une question handball. Yes. Ligue des Champions. C'est pour moi ça. Et c'est un tour de table à nouveau. Le club le plus titré sur la scène européenne en handball reste encore le FC Barcelone. Mais combien de titres 9. Pour le Barça? Ah, c'est un tour de table. Ouais, ouais. Je vais dire 9. Tout le monde va dire 9, je sens, ou pas? Peut-être pas, Yacine. Non, mais moi c'était comme ça. Ouais, bien sûr. Ah, mais vous précisez Yassine, pas. Il va falloir y aller. 8. 8. Flo. Bon, allez, je tente parce que je suis en retard. 10. Et c'est bien 9, donc Tim a bien fait de suivre Guillaume. Autant pour moi, je crois que c'était un tour de table. Non, il fallait bien. Mais je passe à une déclaration et je ne dis pas le sport. Sur la pénalité pour hors-jeu, on aurait pu être plus patient. C'est une équipe bien organisée. Elle est compliquée à défendre. C'est dommage car on était bien revenu dans le match. Vern Cotter. Vern Cotter, Yacine. Continue, ouais, mais ça moisson. La bonne équipe, Flo, mais pas le... Dans la série de pick and go, ils sont mis en échec sur deux ou trois plaquages, mais ils arrivent à avancer sur deux ou trois autres. Il y avait de l'envie et un bon état d'esprit. À une minute et demie près, je me suis dit que c'était bon. Il fallait gérer une minute trente en étant devant de 4 points. Parce que tu l'as pas la fait qualification sera difficile à aller chercher. À 1 minute 30 de la fin, je me suis dit que la qualif était bien partie, mais on était tendu, on peut mieux faire. C'est le sentiment qui règne dans le vestiaire, mais on ne lâchera rien. Il faut jouer plus libéré en prenant plus de risques, en jouant décomplexé. Et c'est bien Vern Cotter lors de la défaite, courte défaite, dans le temps additionnel, si je puis dire, contre Newcastle pour Montpellier. Et je m'inspire de Flo, tiens, dans le quiz pour la question 9, avec un chiffre, le chiffre 113. Et j'attends de voir déjà si vous avez une proposition pour 113. C'est en rapport avec le week-end, bien sûr. Alors, on n'a pas le sport. Ça va venir. J'ai pas la idée. Automobile. Automobile. Ah, le nombre de courses. Le nombre de courses qui s'est étalé entre le dernier Grand Prix remporté par Raikkonen et celui actuel. C'est bien ça. Bien joué. Bien joué, Tim. Ah, mais tu fais les phrases plus vite que moi aussi. Il remonte, il remonte. Ah, c'est exactement flow, ça, le nombre de Grand Prix. Avant une nouvelle victoire de Kimi Raikkonen. J'ai le nombre d'années d'écart entre sa première et sa dernière victoire. 14 ans. Ça marche, non? Ouais, mais dommage. Oh, c'est pas la question. Des points, oh là là. On passe à la dixième question. Pour information pour vous, il restera plus que deux questions ensuite. Ouais. Combien de joueurs français ont participé au choc de la Première Ligue samedi entre Chelsea et Manchester United? C'est un tour de table ou... C'est un tour de table. Et puis, si j'ai des bonnes réponses, je vous demanderai qui ils sont. On commence avec Guillaume. Entrée en jeu ou... Entrée en jeu aussi. Pour le moment, on n'est que sur le nombre. Restons concentrés. Enfin, le chiffre, du coup. Il n'y en a pas 12 quand même. Je trouve que. 4. Contre Chelsea 4. Et Manchester. 4. 4 pour 4. Guillaume. Tim. 4, ouais. Non, j'en vois pas un de plus, quoi. Flo. Allez, 5. 5. Peut-être un qui. Bon, c'était bien 4. Ah putain. Donc Flo ça commence à être Kanté, difficile. Giroud, Martial Pogba, ouais, c'était pas très dur. Vous les avez tous, c'était pas la question difficile du quiz. On passe à la NBA, le nouveau Tim. Et donc. Sur une question par rapport à la saison dernière. Quel joueur avait réalisé le plus de triple-double au cours de la saison? Je précise qu'est le triple-double. 10 points minimum, 10 rebonds et 10 passes. Rapidité ou... Russell Westbrook. Ah oui, James Harden, non, c'est pas ça. Tim l'avait. Et dernière question, question tennis. On sait que le Masters de Singapour vient de démarrer, donc Masters féminin, ce dimanche chez les femmes. Mais je vais vous demander, tout simplement, si je puis le dire, de me donner à tour de rôle... les vainqueurs du Masters de fin d'année depuis 98 chez les femmes. Pas le plus simple. Il y en a, pour votre information, pour vous aider quand même, il y en a 12, donc certaines l'ont gagné plusieurs fois. Une réponse fausse, une élimination, bien sûr, messieurs. Et on démarre avec Yacine qui est en tête. J'ai même pas celle de l'année dernière, alors. Qui est en tête, donc on va démarrer avec Yacine. Non. Oui. si. Depuis 98 quand même. Donc normalement il y en a des connus que vous allez pouvoir dire. Est-ce que j'aurais pas les 12 moi? Je dis juste quelque chose, il est 20h57. Je vais dire Justine Hénin. Ouais, Justine Hénin, on est bon. Et effectivement messieurs, il faut être rapide. À moi, Sharapova. Sharapova, on est bon. Amélie Mauresmo, on est bon. Chiné celui-là. Moi je vais dire... Ce qui me passe la dernière à l'esprit. Simone Alep, non. Non, elle a jamais gagné. Terminé pour toi ce soir, Flo. Serena Williams, oui, bien sûr. Ah oui. Wozniacki, l'année dernière. On est à 5. Kim Clijsters. Ah oui, qui l'a remporté plusieurs fois, on est bon. Yacine. Je vais tenter un gros truc. Oz, il faut y aller. Lindsay Davenport. Putain, magnifique. Oh, yeah. C'est la victoire 99. Oh là là là là. T'es un monstre, gros. Se complique. Il en reste 5, je crois. Peut-être même moins. Il en reste une ancienne. Une de l'année 2008. Donc il reste 98, il reste 98 et 2000, c'est la même d'ailleurs, pour vous aider un petit peu, messieurs. Il reste 2008 et il en reste des récentes, 2011, 2014, 2016. Est-ce que... Moi j'ai un trou là. De toute façon, il faut tenter, messieurs. Mais non, c'est au plus rapide. Au plus rapide. Si je puis dire. Jennifer Capriati. Non. Non, trop vieux. Au revoir. Yacine. Martina Hingis. Martina Hingis, on est mal. Ah putain, j'allais dire, je pensais que c'était trop vieux. Bravo Yacine, et pour de toute manière, Dinara Safina, non ? Victoire impressionnante. Celle qui manquait, c'était Dominika Cibulkova en 2016. Putain. Celle-là, il fallait la chercher. Ouais, 2014, Agnieszka Radwanska, encore plus dur. Ouais, et 2011, Petra Kvitova, qui est de retour cette année. Et donc, victoire, effectivement, de Yacine. Magnifique quiz de Yacine, qui nous fait un beau score de 9 points, je crois. Là, on est dans les records. On est sur des records de questions pour un champion. Ouais, après questions pour un champion, je trouve que c'est un beau symbole, la victoire de Yacine. Et puis Flo tentera sa chance. Les gars, il va falloir aller à 10 000 là. Parce que... Ouais, non, mais moi, quand il y aura des questions sur Lens, je suis là, mais après, je suis pas là. Sur les 100 et or. J'avoue que tu termines à la dernière place, mais tu te referas, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement qui manque, en effet. On fait pas d'agenda parce qu'on n'aura pas le temps. Et on va faire. Moi, je fais juste mon agenda sport Montpellier parce que c'est le plus important. Parce que c'est les clubs d'ici. Toulouse et MHST samedi 20h. LOSC et MHST féminin samedi. Samedi 14h30, Stade Français MHR samedi 20h45, Chartres MHB mercredi et Christianstad MHB en Champions League samedi, Vipers Dunkerque samedi, Blagnac MRC dimanche, Landerneau BLMA samedi et Nantes MC VUC, donc le volet vendredi. Le pronostic de la semaine, de la semaine, j'ai choisi Manchester United qui reçoit la Juventus de Turin mardi. Est-ce que tu as une petite cote pour... Alors, Manu, son côté à 3,15. Le match nul est à 3,25 et la Juve est à 2,35. Match nul. C'est écrit. Et est-ce que tu as la cote de 0-0 ou pas du tout ? Ouais. Ou même partout. Non, j'ai pas regardé la cote du 0-0. Pour moi, il y aura ça pas de 0-0. Ça doit être à 6, 5. Allez, moi je vois un 2-2. Voilà, moi je vois des buts aussi, comme Yacine. Bon, 2-2. Ok. Ouais, moi je dis un partout. La Juve va chercher le nul à Manchester et gagner à domicile et ils assureront la première place comme ça. Donc après ils peuvent gagner le match nul. Non mais le score exact. Le score parce que je crois qu'il y a beaucoup de nuls. Oui. 0-0. Moi je veux dire 3-2 Juve. Très bien. Ils peuvent largement la chercher. Est-ce que tu as un petit alors en match pas mal coach, j'ai Hoffenheim OL 2,25 Hoffenheim, le nul à 3,70. Je sens bien le nul. Monaco qui a 3-20 extérieur contre le Cercle Bruges, pas non plus insurmontable. Je sais pas s'il faudrait le tenter. Dortmund Atletico, il y a des grosses cotes. 2,45 Dortmund, le nul à 3,20 Atletico, 2,90. La cote de Tottenham à PSV Eindhoven à 1,90, c'est propre. Et le match à grosse cote, mais là c'est assez chaud, c'est Galatasaray contre Schalke 04. 2,70 les deux équipes ou le nul à 3,15. Voilà, après, à vous de. Je donne pas le tips parce que c'est. Allez, je donne. Moi, j'aurais mis nul Hoffenheim OL. Je tente la Juve à l'extérieur. Je tente le nul Dortmund Atletico. Je mets Galatasaray parce que chaque 0-4, ça sent pas grand chose. Je mets Tottenham à l'extérieur. Et si j'ai vraiment envie d'avoir des gains, je rajoute la victoire de Monaco à 3-20. Ça, je pense que ça va être. On est sur une cote à 456 quand même. Oh, ça les vaut. Hein. Je pense que ça va être plus tenté que Monaco. Ouais. Merci pour ce petit tip risqué. Et merci aux autres chroniqueurs d'être avec moi ce soir. Merci à toi. Pour cette émission. Je remercie d'ailleurs le Krebs ainsi que nos invités de ce soir qui ont été idéales comme d'habitude. Idéo. Merci. Merci. Petite faute de français pour terminer. Ça arrive, c'est parfait. Ça, c'est mon score au quiz qui va me hanter. Merci Arnaud pour la technique ce soir, comme d'habitude. Et le son de la semaine, pour faire plaisir à Yacine, on va terminer avec le buteur argentin de l'Inter de Milan qui a gagné, on le rappelle, hier à Giuseppe Meazza à la dernière minute, à la 92e. Un but qui est commenté par nos amis britanniques. On vous laisse sur ça et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne serai pas là, je passe mon tour. Je pense que le quiz m'a assez tué ce soir. Ah ouais. Tu vas t'entraîner. Et la semaine ça prochaine, sera sûrement Paul ou Romain qui prendra la suite. Voilà, pour cette prochaine émission. On va se mettre d'accord. Voilà. À la semaine prochaine, merci à tous et bonne soirée. Salut. In from Vecino, Donnarumma misjudges it. Mauro Icardi wins the derby for Inter in its dying moments. His timing impeccable. So too is finishing. and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.